Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui, Assemblage requis. David Ferron va venir nous montrer le sort de Marie Melon dans sa chronique La langue dans ton oreille, mais bon. Ensuite, François Landry sera là pour sa prolifique chronique politique au Grasson et Joanie Gagnon et les sorties culturelles dans leur ressort. Assemblage requis tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées en ce jeudi 10 octobre 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Toujours en direct des studios de C'est fou, évidemment. Oui. À Trois-Rivières. Oui, au Québec. Ville d'histoire et de culture. Oui, ville reine de Rhin. C'est ça. D'histoire et de culture. Ville de Rhin. Ville de Rhin. C'est ça. Ouais. On n'est quand même pas à Saint-Clinclin. Des Chouin-Chouins. Des Chouin-Chouins. Ah, c'est une belle ville, ça. Ouais. Parle pas contre Saint-Clinclin des Chouin-Chouins, toi. Non. Eh, mon Dieu. Donc aujourd'hui à l'émission, on a David Ferron qui va être là à 8h. Il nous a dit pas de chronique aujourd'hui pour lui. Donc pas de langue dans ton oreille typique comme on s'y attendrait avec un bloc de pièces musicales. Bon, j'ai apporté mes bouchons pour rien. Oui, oui. Mais en fait, non, tu les as pas amenés pour rien parce qu'il va nous raconter l'histoire de Marie Melon, la fin de son histoire. Ah. Ça, c'est le personnage type dans sa pièce de théâtre qui est sa vie. Oui. Si on veut. Donc, Marie Melon, je crois qu'on va devoir lui dire au revoir tantôt. Ah! Je sais pas comment et je sais pas pourquoi, mais c'est à 8h. Mais la fin de quelque chose, c'est la nouveauté de d'autres choses. Voilà. Fait que j'imagine que c'est pour le mieux. J'imagine. Je ne gagerai pas là-dessus. Non, moi non plus. Ensuite, à 8h30, François Landry et sa chronique politique Logocratie 101. C'est rare qu'on n'a pas son sujet à l'avance, mais on va parler politique. Ah oui, attends, il m'a dit élections municipales en général, tout ça. Oui. Il n'y a pas vraiment de titre, c'est juste les élections municipales. On va faire un flashback sur la sur tribune. New York City, c'est ça. Oui. Flashback à New York City. Sur la tribune qu'on a eue hier. Oui. C'était diffusé en direct, assez fou, ça a fonctionné au bout, Oui. Les gens capotent, même qu'on t'a vu, c'était-tu aux nouvelles de TVA ou... Oui, à TVA Nouvelles. En fait, je pensais jamais qu'il allait prendre ma petite... parce que moi, en tout cas, quand je dis quelque chose, si c'était dans un contexte, je me suis dit, ah, ils diront jamais ça. Parce que dans le fond, je parlais de C'est fou, puisque je suis plus étudiant. Donc, je parlais de C'est fou, de pourquoi on avait décidé de faire ce partenariat-là avec la GEUQTR pour diffuser la tribune pour les candidats à la mairie de Trois-Rivières. Et puis, ben, finalement, il a juste pris le petit bout. Je disais, ben, tu sais, moi, je suis plus étudiant, je suis finissant de l'UQTR. Donc, je me suis installé à Trois-Rivières. Donc, c'est le premier vote que je fais à Trois-Rivières ici. Donc, c'est bien d'avoir pu avoir cette tribune-là. Donc, dans le coup, il y avait cinq, donc. Oui, c'est ça. Non, mais le seul petit bout qu'ils ont mis, c'est, ben, moi, je suis nouvellement installé à Trois-Rivières. Fait que c'est le fun. C'est super. Ouais, très pertinent, ouais. Ça. Ben, c'est parce que TVA, c'est le peuple. Mais il était là. Il était là et tu représentes le peuple. Oui, tout à fait. C'est tout un fardeau, hein? C'est tout un fardeau. C'est une tâche, une corvée. Oui. Ça te dirait. Hey, on a vu, je crois, Maxime Tanguay et d'autres gens de C'est fou au Téléjournal de Radio-Canada. Donc, Ah, ben oui, il ben, y a eu Anne-Julie qui était là à TVA. AJ on the Rocks. Lily Brunet. Lily, bien sûr. Notre chroniqueuse ici le mercredi, pour deux ans. Et aussi dans son campus. Oui. Donc, en tout cas, on a Rock the Shit. Rock the Shit. On va aller voir sur Facebook, sur la page. Je crois que c'est de C'est fou que tu as posté les liens vers les. J'ai tagué C'est fou. On va les mettre. Mais, ouais. Je te donne la tâche. Et okay. La corvée. J'y vais. Et le fardeau. D'accord. Donc, 8h30, François Landry. Ensuite, à 9h, Joanie Gagnon. Et c'est sa chronique de sortie culturelle. Alors, on sort. Donc, les sorties du moment. Donc, Kid Kuna. Oh, oh, oh. Kid Kuna. Et vendredi. Vendredi soir. Et indice à indice pour Kid Kuna. Peut-être qu'on va avoir des affaires pour vous autres à vous lancer en plein sur la tête. Oh oui. Ça pourrait vous faire un paper cut, ça joue. Mais ça va valoir le coup. Voilà. Paper cut, ça veut dire que c'est pas un CD. Donc devinez ce que c'est. OK. Oh. Peut-être le plan de la soirée? Peut-être. Oh. La setlist des chansons dans quelle heure ça va jouer. Hein? Oh oui. Donc, c'est le plan de l'émission d'aujourd'hui. Autour de ça, évidemment, vu qu'on n'a pas David Ferron, on va pouvoir se garnir de peut-être deux chroniques. Donc, les instructions d'assemblage et 5 messages de réponse là sont prêtes pour aujourd'hui. On va se mettre ça sous la dent, mais pour l'instant, on commence en musique avec une pièce que ça fait un petit bout qu'on n'a pas entendu. Nos classiques, il faut les sortir une fois de temps en temps. Donc, voici Imagineer Cities et Sooner or Later. À l'assemblage requis, ça va être meilleur que ça. Non? Oui. Tu chantes pas avec moi? Non, je suis en train de penser que c'est tôt ou tard un peu la traduction. Ben, c'est David qui va arriver. Sooner or later. On n'a pas le choix. C'est David qui va arriver. C'est une corvée, un fardeau et une tâche à accomplir. Sooner or later, Imaginary Cities. C'est bon. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on l'avait pas. Oui, quand même. Attends un peu, est-ce que ça va marcher, ça? Ah, ça devrait. Essayez. C'est toi qui as pris le verre hier. C'est un mélange de grossièreté et de finesse. C'est un extrait de l'émission de cuisine de Radio-Canada, Qu'est-ce qu'on mange pour souper. Oui, j'écoutais ça hier. Bon, écoute, j'ai aucune idée à quelle heure ça passait. Là, je me suis vaché devant la télé hier soir. Et puis, c'est ça, c'est la première fois que j'écoutais ça. Une nouvelle quotidienne que tu me disais, ouais. Donc qui joue à tous les jours. Et puis, écoute, c'est ça. Ils ont pris le concept, là, une émission qui joue à tous les jours. Ouais, c'est ça. Nous autres, on fait On avait avant. On a un copyright là-dessus. Ouais. Et puis, écoute, cette émission-là m'a fait tellement rire, puisqu'elle est vraiment parsemée de petits mots-clés. Oui. Comme ça. Dont le petit paquet. Oui, la prise du petit paquet pour couper ses oignons verts. Moi, je trippe. Tu vas l'essayer dorénavant. Oui, mais c'est ça, la demoiselle qui était avec chef. Le chef. Oui, le chef, je pense que c'est Danny Saint-Pierre. Okay. Et puis, elle coupait ses oignons verts, mais grossièrement. Puis lui, il venait de dire qu'il fallait les couper finement. Ah. Donc, la fille, c'est pour ça qu'à un moment donné, elle dit c'est un mélange de grossièreté puis de finesse. Puisque c'est bien dit, par contre, pour oui, vrai. Puisque c'est, dans le fond, dans son plat, il y a des gros morceaux puis des petits morceaux. Et puis, c'est ça, en tout cas, ce qui est magique avec justement les vines, c'est ça, c'est de couper ces petits bouts-là et d'en faire des moments historiques. Hey, parlant de petits bouts, JP. Oui. Parlant de petits bouts. Je pense que j'ai trouvé si ça fonctionne bien, parce que leur lecteur est vraiment merdique. Là. Eux autres seront Web 2.0, mais dans le mauvais sens. Très bas. On peut voyager en monoreille en pointe du lac et... Oui, ça va être un petit peu après ça, je pense. Entre deux attaques. Plus loin encore? Plus loin encore? Cette tribune a visiblement eu les effets escomptés. C'était très révélateur. Il y avait des belles questions. Puis on a vu les tendances, les personnes qui se présentent. Ça avait été une idée, mais c'est tout dans le fun un peu d'entendre les idées des autres. Ça va être mon premier vote. Je lis toi. Ici, donc ça fait du bien de voir qu'est-ce que les gens ont à proposer. Ça m'a quand même... C'était toi! C'était moi. C'est une fille qu'on connaît pas. On s'en pris en plein milieu d'un contexte qui ne devrait pas. Non, c'est extrait de TVA Nouvelle. Oui, bien sûr. Copyright 2013. Québécois Média Inc. Voilà. Voilà, c'est dit. Pour pas qu'on se fasse poursuivre pour ça quand même. Quand même. Diffuser les ondes des autres sur nos ondes, ça marche pas, ça. Donc, toujours assemblage requis. Il est 7h42 minutes. Et puis, Colin, le temps est le fun. Tu peux boire ton café. On l'entend pas. Pas assez fort. Si tu veux boire ton café, bois-le comme il faut. Il est trop chaud encore. OK. Je te pardonne. Tantôt, par exemple, regarde-moi bien la rosette. Est-ce que t'as envie d'aller chercher une paille et faire des bulles dans ton café? Oh non! C'est pas drôle. Non. Donc, ah tiens, oui, c'est vrai, j'avais oublié qu'on était rendu à un moment pertinent, c'est-à-dire de faire une chronique. Ben oui, c'est parce que tout est dispersé, il faudrait qu'on sache comment assembler ça, cette chronique-là. Ben oui, voilà. Donc voici les instructions d'assemblage. Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Agitez fermement sans trop brasser. Étape 2. Prenez quelques vis numéro 77 et boulez-les ou charpente numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17. Repliez le tige numéro 45A. Ouais, mais ça marche pas! Ça marche pas! Ah! Ben, je vais essayer de changer ça. Hein? Essayer de te donner les bonnes instructions pour que ça fonctionne, parce que c'est la chronique de trucs et astuces. S'il te plaît. S'il te plaît. Par exemple, tiens, si t'as une toilette qui est bouchée. Oui. Tu sais, une toilette de boucher, j'imagine que c'est souvent boucher parce qu'il mange beaucoup de viande. Aussi, de boucher. Wow! Oui. Donc, c'est une toilette de boucher, quand c'est pas de plongeur, de plongeur, oui. De laveur de vaisselle dans un restaurant, de plongeur. Donc, c'est de prendre de l'eau chaude et du savon, mettre ça dans la toilette et laisser ça là pendant 5 minutes et ça va déboucher. Ah! Eau chaude et savon. Tout simplement. Tout simplement. Moi, ça m'est déjà arrivé. Attends, c'était une toilette? C'était un lavabo. OK. Qui a bouché, puis j'avais justement pas la pompe à. L'affaire pour déboucher, là, oui, merci. C'est pas le nom, là. Oui, bon, c'est ça, le débouche-toilette. Débouche-toilette. Et puis, j'ai pris. On avait une vieille bouteille de Coke, tu sais, de 2 litres. Puis avec ça, j'ai réussi à faire quelque chose. Ah, ouais. Ouais, ça a marché. Wow. Ça fonctionne aussi si t'es bien constipé. Oui. 2 litres de liqueur. Donc, aux États-Unis, si ton chien a besoin de se faire une transplantation de foie. Oui. Aux États-Unis, OK. Donc, tu peux prendre le foie d'un animal qui est dans la rue, genre errant, vagabond. Et la stipulation est que tu dois adopter l'animal donneur après pour que 2 vies soient sauvées au lieu d'une seule qui serait perdue à cause d'une maladie du foie et une autre à cause de l'euthanasie. C'est parce que là, le chien de la rue serait mort par euthanasie, l'autre chien serait mort du foie. Les deux vont survivre parce qu'il y a un don. Wow. Aux États-Unis. C'est beau. C'est Jean-Louis Fleury. Ouais. Si tu te brûles le bout des doigts, oui. Hein? Bon, ben immédiatement, tu poignes ton lobe d'oreille et la sensation de brûlure va arrêter et ton doigt ne deviendra même pas rouge, nous dit-on. Mais évidemment, là, c'est des affaires qu'on peut pas essayer parce qu'à un moment donné, je vais pas me brûler les doigts pour faire une chronique là. Dans le café. fais tremper tes brosses et tes peignes dans un mélange de 1/4 d'eau chaude et 2 cuillerées à table de bicarbonate de soude pendant 1 heure. Et ça va les rendre tout neufs. Oh! plus moi, de bout de peau. Hein. Non, c'est ça, je pensais que c'était un beau truc pour enlever les cheveux qui restent pognés dedans tout le temps. Probablement aussi. Probablement un mélange de tout ça. Donc, un mélange de bicarbonate de soude et d'eau chaude. L'eau chaude, ça en fait-tu des choses? Quand même. Hey, oui. On n'en parle pas assez souvent de l'eau chaude. Non, c'est rare, en fait, que j'en parle en général. Lâche ta liqueur, ta boisson gazeuse, parce que boire une liqueur de 12 onces par jour peut augmenter ton risque de diabète de type 2 de 20%. Mm-hmm. Donc, la liqueur, c'est vraiment mauvais. Écraser de l'aspirine et mélanger ça avec un petit peu d'eau. Et quand la solution est prête, tu appliques ça à tes boutons et ils vont disparaître pendant la nuit. Donc le soir, aspirine eau. Pas pire, hein? Ouais. Pas de l'eau chaude. Tu peux utiliser de la bicarbonate de soude et de l'eau chaude, encore de l'eau chaude, pour se débarrasser des taches d'huile sur ton parking, dans ton stationnement. Ah oui? Uh-huh. Eau chaude, bicarbonate. C'est un bon mélange à faire. Si t'as pas de Listerine, rince-bouche évidemment, donc tu peux te gargariser avec un mélange d'une tasse d'eau froide, une demi-cuillerée à thé de bicarbonate de soude, encore une fois, et une demi-cuillerée à thé de sel pour avoir une très bonne haleine. Sel, bicarbonate de soude et eau. Voilà. C'est à retenir. Évidemment, oui. Les liens sont sur assemblagerequis.com pour les recettes. Ben oui, quand même. Mais les ingrédients sont dans le coin de l'écran. Oui. du vinaigre de cidre de pomme, ça va soulager le brûlement d'estomac. Ah, c'est surprenant. Oui, oui. Parce que c'est acide. Oui. Puis ça goûte pas bon, ça. J'ai déjà essayé ça, du cidre de vinaigre de pomme de je sais pas quoi. Hein. Comme ça? Moi? À cru? Non, je pense que t'es supposé mélanger ça avec de l'eau, puis boire ça. C'était supposé être bon pour toi. Ah. Je l'ai fait une fois, pas aimé ça. Ah, parce que c'est bon dans une vinaigrette à salade, mettons, avec des pommes. Puis des épinards. Ben, c'est comme le métamucil. J'ai pas aimé ça non plus la première fois, mais ça aussi dans une salade. Je me demandais où est-ce que tu t'en allais. Ben, moi aussi, j'essayais de voir. Si t'as envie de sucre, tiens. T'as envie de sucre, tasse ton métamucil. Une cuillerée à thé de vinaigre de cidre de pomme, encore une fois, va aider à contrôler ton envie de sucre et va te ramener sur le chemin de la santé. Ah, ben voilà. C'est pratique. Et ça va m'en faire des bouteilles, ça, dans le bureau. Oui. Du cabernet de soude, une bouteille d'eau. De l'eau chaude. De l'eau chaude, oui. Tout le temps dans une bouteille. Ah. Si t'achètes quelque chose en ligne, lis les critiques qui ont un 3 sur 5 sur Amazon, mettons, parce que c'est celles qui sont les plus honnêtes. 5 sur 5, c'est des gens qui ont peut-être été genre encouragés par la compagnie. Moi, j'ai reçu beaucoup de courriels, genre, donnez-nous des notes 5 sur 5, puis on va vous donner quelque chose de gratuit ou du shipping gratuit. Yeah. Fait que des 5 sur 5, bof! 1 sur 5, c'est souvent quelqu'un qui a eu un petit problème, mais qui est personnel à lui, et que ça va affecter sa note, il va donner 1 sur 5, alors que dans le fond, les autres n'auront pas de problème. 3 sur 5, c'est le middle of the road, et voilà. Ensuite de ça, si t'as à te stationner en ville la nuit, stationne-toi devant une banque parce qu'il y a beaucoup de lumière et de caméras. Mm-hmm. Intelligent. Oui, une feuille qu'on met dans la sécheuse. Là. L'assouplisseur. L'assouplisseur à tissu. C'est parfait pour enlever les poils des animaux sur tes meubles ou même tes propres cheveux dans ta salle de bain parce que ça attire l'électricité statique. Un peu comme le Swiffer. Swiffer! Si tu demandes à Siri sur l'iPhone ou iOS, l'iPad, l'iPod Touch, etc., je pense pas qu'il y ait ça sur l'iPod Touch. Si tu demandes à Siri de lire un message texte pour toi et que le message texte contient des emojis, ces petits icônes japonais que tu peux avoir, d'ailleurs que tu peux te rajouter sur ton clavier iPhone, si tu vas dans les paramètres de clavier, tu fais ajouter icône emoji. Ah oui. Tu demandes un clavier emoji, puis toi, t'as les icônes du monde. Wow! Tu peux faire des sourires, des larmes, des petits caca. Pas besoin de payer. No need to pay. Mais bref, si le message texte a des emojis dedans, Siri va te lire une description de cet emoji. Ah oui? Elle va dire, tu vas me sourire. Genre. J'ai essayé ça tantôt. Oui, essaye ça. Ensuite de ça, si, tiens, on revient aux feuilles d'assouplisseur à tissu là, qu'on met dans la sécheuse. Donc, on a déjà parlé un petit peu de quelque chose de similaire à ça, de prendre un rouleau papier toilette et de mettre du parfum dedans. Rouler une feuille d'assouplisseur à tissu dans le rouleau papier toilette et à chaque fois que tu vas tourner, ça aussi, ça va fonctionner pour faire aller l'odeur. Ah! Je me rappelle pas c'était quoi le conseil qu'on avait donné, mais c'était pas ça l'autre fois. C'était une autre affaire. Non, non, c'était pas ça. Mais c'est dans un rouleau papier toilette aussi. Oui. Si vous mangez bien, faites rôtir des ananas avec vos légumes. Le goût va être sucré, va vous rappeler la pizza hawaïenne. Ça va vous goûter bien meilleur. Oui. Tu sais, quand tu fais des légumes dans le micro-ondes, oui. Peu importe, hein, c'est dégueulasse. Rajoute des ananas, miam. Miam. Miam. C'est ça qu'ils font les restaurants chinois. C'est ça, hein? Faudrait s'en inspirer. Donc, on parle toujours de trucs et astuces dans les instructions d'assemblage. Si vous achetez une maison, vous magasinez une maison, conseil, si vous êtes capable, achetez-vous une maison proche d'une école. Parce que ta rue va toujours être la première à se faire déneiger l'hiver pour vrai. Les écoles. Vrai. Pas fou. Si vous êtes assis au bureau en tout temps et non pas debout, vous pouvez vous asseoir sur un gros ballon d'entraînement. C'est des gros ballons d'entraînement. Oui. Ça va améliorer votre focus et votre concentration de 50%. Quand même. Il y en a qui disent que c'est pas très bon pour le dos. Ça dépend des gens. Il y a des. Mais il faut bien forcer. Oui, parce que c'est, ça devient un exercice. Je pense que. De bas de dos, sûrement. Oui, c'est ça. Donc, je pense qu'il faut, faut avoir une bonne position. C'est ça. Oui. Soit vous asseoir sur un ballon comme ça, ou vous asseoir sur les chaises de notre studio qui sont tellement basses que c'est comme s'asseoir sur un ballon. Moi, je me suis déjà assis sur un ballon de fête. Ah, pas vrai? Oui, ça a juste fait pa! Pa! C'est tout. Pa! Puis j'ai eu mal au bas du dos. Parce que je suis tombé sur les fesses. C'est quand même pas mal drôle. Pas mal drôle. Du vinaigre de cidre de pomme, encore une fois. Ta même bouteille va servir à plusieurs choses. Quand même, heureusement. Ça peut soulager les morsures d'insectes quand les insectes vous mordent. Et ça peut empêcher de piquer, donc mettez du vinaigre de cidre de pomme. C'est bien ça, vinaigre de cidre de pomme, c'est ça qu'on dit? Oui. Good. Ensuite, de la bicarbonate de soude, on revient à ça. Mettez-en un petit peu de comme saupoudré dans chacun de tes gants de latex pour qu'ils collent moins sur les mains. Évidemment, on se met tout le temps des gants de latex sur les mains. Fait que, il y en a pour la vaisselle avec ça. Lors de... Ah oui? J'ai entendu dire. Ah oui? Dans nos soirées... Kinky. Kinky. C'est ça, oui. Ensemble. T'es en train de m'inclure dans tes soirées kinky. J'ai pas encore signé ça. Quand tu prends ton bain, ajoute quelques cuillerées à table d'huile d'olive dans ton eau chaude de bain. Et tu vas être étonné quand tu vas t'essuyer. J'imagine que l'eau va avoir séché plus vite ou quelque chose comme ça. Ça dit pas pourquoi, en fait, tu vas être étonné. Quand tu vas sécher, peu... tu vas avoir plein de cloques. Des grosses cloches d'eau. Ouais, je sais pas, celle-là. Ben, peut-être que ça fait ça, ça fait peut-être perler l'huile. L'huile. L'eau. Donc, un peu quand tu sors, ça va faire comme un peu les plumes d'un canard. Peut-être. C'est notre théorie, mettons, mais je suis pas sûr mais que c'est pas. Ok. Ouais. Peut-être. Si, je sais pas. Parce que alors, c'est peut-être après une blague ça, aussi. Dois, après ça, tu dois te sentir huileux. Ouais. Tu viens de te laver, t'es comme tout huileux. Mm. On enlève celle-là. Ouais. On fait comme si on n'avait rien dit. Ouais. Hey, vinaigre de cidre de pomme. Vinaigre de cidre de pomme. C'est aussi un agent de nettoyage des foies. Donc, si tu bois ça, ça va nettoyer ton foie en même temps, mais c'est pas pur, évidemment. Non. Vraiment, vraiment pas pur. Parce que là, ça sera vraiment pas bon pour ton estomac. C'est ça. Utilise la coquille d'une pistache que tu viens de manger pour ouvrir une autre pistache qui est difficile à ouvrir. Bon, ça, c'est simple quand même. Puis moi aussi, que j'ai le goût de pistache là, à cause de toi. Oh, c'est bon, hein? C'est... Oh! Je suis. Hey. J'ai jamais goûté à ça, je pense, jusqu'à récemment. Vas-y. Ah oui, mais tu sais, les sacs sont toujours trop petits. Et trop chers. Et trop chers. 8$ pour un petit sac, là. Puis on est allé dans un magasin, Costco, pour pas le nommer. Non, c'est ça. Une compagnie avec des coûts, donc une cost company. Oui. Et puis qu'il y a des méga sacs, évidemment. Puis c'est pas si cher, puis ils sont tellement bonnes. Oh, miam! Oui. On a arrêté d'en acheter, c'est ben trop traite. Il fallait qu'on se fasse des petits sacs à la maison dans des Ziploc. Sinon, tu mangeais beaucoup sinon, trop. Ouais, sinon, c'est inarrêtable. Ça me dérangerait même pas. Oh. Utilise un petit rouleau à poil, tu sais, les rouleaux à poil que tu passes sur tes vêtements pour te débarrasser de la petite ligne de poussière quand tu passes le balai et que tu as qui te reste un petit quelque chose. Qui te reste une petite ligne après ton ramassage. Plutôt que donner un petit coup de pied dessus pour essayer de l'étendre. Ou en dessous du tapis. Oui. Des fois, c'est agressant en dessous du tapis. Hey, je suis allé à une pendaison de crémaillère d'une amie, Amelia, bonjour, qui dans le mur, dans la maison qu'elle a louée, il y a une petite trappe dans le mur, il y a comme une colonne, il y a une trappe, tu ouvres la petite trappe avec ton pied. Et t'envoies ta poussière là, puis ça aspire par l'aspirateur central. What? Oui. Mais elle a pas d'aspirateur central, fait que ça marche pas. Mais c'est hot comme idée. Mais c'est oui, c'est cool. Pourquoi j'avais jamais vu ça? C'est ma maison de riche. Bien pensé. Ou juste bien pensé. Si vous avez brûlé votre nourriture, tiens, débarrassez-vous de l'odeur de fumée dans votre cuisine en faisant bouillir une tasse de vinaigre et deux tasses d'eau. Et attendez pendant 15 minutes, ça va se débarrasser de l'odeur. De fumée. C'est une bonne chose, ça. Quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, tiens, demandez-leur ce qu'ils aiment faire et non pas ce qu'ils font. Ça va les exciter puis ils vont se mettre à parler des choses qu'ils aiment vraiment et non pas non, qu'est-ce que tu fais comme ton travail des fois. Ça peut ne pas être super heureux. Donc ça dépend vraiment qu'est-ce que tu veux comme relation avec la personne. C'est ça. Si tu veux vraiment plus jamais lui parler, qu'est-ce que tu fais comme job? Ben oui, c'est ça. Ok, ben parfait, bye. T'es étudiant en quoi? Ou tu peux toujours aussi lui demander « Salut, mais qu'est-ce que tu fais ici? » Qu'est-ce que tu fais ici? Viens-tu souvent ici? Habites-tu encore chez tes parents? tiens, on revient à l'huile d'olive de tantôt. Pour nous donner un autre indice, genre sur qu'est-ce que ça peut faire l'huile d'olive, peignez un peu d'huile d'olive dans vos cheveux secs pour les empêcher de frisoter, d'accord? Lors des journées humides et l'hiver. Tu voudrais-tu que j'essaie ça? Je ne sais pas, de l'huile d'olive. Je pourrais arriver les cheveux plats. Ouais. Le look nerd, le geek. Là. Ouais. Non, geek, c'est bon. Nerd. Faut différencier. Gardez une carte avec les numéros de téléphone les plus importants dans votre téléphone parce que si votre téléphone meurt, que vous n'avez plus de batterie, votre disque dur plante, pas disque dur, mais votre mémoire plante, faut avoir les numéros. Faut avoir quelque chose. Un backup. D'urgence. ensuite de ça, si vous avez de la difficulté à dormir, ah tiens, essayez de vous mettre debout sur la tête, tu sais, la culbute là, avec les mains en bas et debout sur la tête. Là, pendant 5 secondes, le sang va descendre dans votre central blood vessels, les vaisseaux sanguins centraux, ce qui va faire que vous allez avoir un genre de rush de mélatonine, ce qui est dans ton cerveau. C'est déjà quelque chose que tu as dans ton cerveau qui t'aide à dormir mieux. D'ailleurs, il y a des pilules de mélatonine que tu peux acheter en pharmacie qui vont t'aider à mieux dormir. C'est un produit naturel, c'est pas supposé genre créer une dépendance ou rien. Mais bref, la mélatonine qui est déjà dans ton cerveau va descendre et ça va faire que tu vas être plus fatigué. Voilà. Voilà. Moi, je pensais que c'était tu fais une pirouette, mais là, tu restes là vraiment longtemps jusqu'à temps que ton cou pète. Et tu dors. Et là, tu dors. Pour toujours. Quand t'es à un événement, une soirée, quelque chose comme ça, tiens toujours ton verre dans ta main gauche. Comme ça, ta main droite sera pas froide et ou mouillée, humide quand tu vas serrer la main de quelqu'un. Mm-hmm. Tu seras pas obligé de changer de main, de verre, puis faire comme ouais, 2 secondes. C'est ça. Ouais. Tu t'es sucé les pantalons, puis ouais. Tu penses que t'as avec des toilettes, puis t'es pas essuyé. Ouais. Ah, mon Dieu. Quand comment t'appelles ça, une cloche? Sur ton doigt, une cloche d'eau, hein. Ouvre sur ton, n'importe où, sur ton corps, à une extrémité. Appelle Calinette. Appelle Calinette pour tous les gars. Verser de la vodka sur la peau. Ça va être un anesthésique. L'anesthésien. L'anesthésien local qui va aussi désinfecter ce qui est exposé. Mm-hmm. Donc tout le monde gagne. Un petit peu pour le doigt. Un petit peu pour lui. Un peu pour Bibi. Ouais. On revient au vinaigre de cidre de pomme. Une cuillerée à table de vinaigre de cidre de pomme le matin peut aider avec l'arthrite. L'arthrite. Ça va être arthrite moins difficile pour vous autres de vie. Très arthrite. Waouh, c'est dur à dire. Ben, c'est pour ça que je l'ai dit mal aussi. Hein. Ça ou encore, je dis tout mal là, ces temps-ci. On parle encore de glace et de comment faire refroidir les choses. On a déjà mentionné plusieurs conseils comme ça dans les histoires d'assemblage. Ici, on parle de prendre des ballons, des petits ballons, et les remplir d'eau et mettre ça au congélateur. Ça fait beau dans un contenant. Tu mets tes petits ballons d'eau de glace et tu mets ta bouteille de vin ou de Smirnoff. Miam. Mettre du vin dans un malaxeur, un mélangeur, un blender pendant 20 secondes. Pas 20 minutes, 20 secondes. Wow. Ça va le monter en neige. Ouais, ben le slush au vin, ce serait pas pire. Donc, c'est une méthode d'aération qui va adoucir les... Et là, je connais absolument rien au vin. Les tanines... Tanin du vin. Et ça va faire que ton vin, même cheap, va goûter meilleur, nous dit-on. Mm-hmm. Donc, on passe un vin cheap de dépanneur dans le blender pendant 20 secondes. Est-ce qu'on l'essaye? Pourquoi ne pas l'essayer? Ouais, tu fais pas ça avec une bouteille qui coûte 100$. Non, potentiellement pas. Mais pour vrai, une slush au vin. Ouais, on essaye ça. Mais c'est comme le vin chaud. Je sais pas si tu tripes sur le vin chaud. J'ai jamais goûté. Ah, quand j'ai goûté ça en allant justement depuis que je suis trifluvien. Ouais. Ouais, c'est ça. Maintenant que je vote aux élections locales. Oui. Au marché de Noël, dans le centre-ville. Puis il y a un kiosque de vin chaud. C'est comme un vin épicé avec la cannelle puis plein de trucs. C'est bon. Mmh. C'est bon, mais faut pas trop en prendre. Vin chaud, c'est le surnom de Vincent Pinchot aussi. Oui, le vin chaud. Pinchot. Okay. Si tu manques de crème à raser, encore une fois, utilise de l'huile d'olive qui fonctionne très très bien, sinon mieux que la crème à raser, nous dit encore une fois Internet. C'est une chose à essayer, plein de choses à essayer que je veux pas essayer moi-même. Non, bon. Essayez-le, dites-nous si ça marche, puis là on le fera. C'est ça, je vous le conseille, c'est des affaires en rafale. Encore une fois, on revient sur les petites feuilles d'assoupisseur à tissu dans la sécheuse. Frottez cette feuille-là sur votre peau avant de sortir et ça va repousser les insectes. Ah. Encore la même feuille d'assoupisseur. Entre les affaires dans une valise pour garder vos vêtements au frais et empêcher les articles de ramasser l'humidité. Donc, une feuille entre chaque vêtement. Même feuille, encore une fois, dans vos tiroirs pour garder l'odeur de fraîchement lavé sur vos vêtements pendant des semaines. C'est pas une mauvaise idée du tout. Lorsque vous mangez un hamburger qui est en train de s'écrouler, celui-là, je crois que j'ai déjà parlé de quelque chose de similaire, mais pour vrai, ça vaut la peine d'être redit, surtout que le jeudi, les gens, c'est des fois la paye, vont aller chercher un petit fast-food. Donc, tu manges ton hamburger, il est en train de se défaire, tout tombe à terre, vire à l'envers ton hamburger parce que le pain du haut, qui devient le dessous, est plus épais. Et plus épais pour absorber. Retient mieux le stock. Miam. C'est trop chaud. J'adore celui-là. Passe ton poignet en dessous de l'eau froide pendant 5 minutes au moins et ça va refroidir tes vaisseaux sanguins. C'est un peu pareil comme prendre sa douche froide l'été, qui va pendant très très longtemps, évidemment, prendre notre douche au moins 5-10 minutes. Là. Mais ici, 5 minutes pour le poignet, ça devrait être assez. J'adore. Maintenant, un jambon. Gros jambon. Ah oui, comment tu m'as appelé? Gros jambon. Hey, nouvel étudiant, nouvel arrivé à Trois-Rivières. Donc, fais rôtir ton jambon avec du coke. Le sucre va caraméliser et le jambon va devenir tout juteux et caramélisé. Un homme. Bon petit conseil ici, on va terminer bientôt. Lorsque quelque chose va mal dans votre vie, arrêtez et criez « Plot twist !» Et puis allez-vous-en, tu sais, comme genre revirement de situation, comme dans un film, oui. Tu sais, genre. Puis là, ça va faire comme oh, oh, oh, tout est drôle. Puis, oui. Puis là, tu regardes la caméra, puis tu fais comme j'espère assez que ce truc-là va marcher. C'est la chanson de Random. C'est ça. Les gens la connaissent pas nécessairement. Non, mais. Oh, oui, c'est rentré dans les classiques. Un classique. Moi-même, j'essaie de voir sur quoi terminer pour finir sur une bonne note. Pour aider le ketchup dans une bouteille de vitre à descendre. Oui. Là, on a déjà parlé du tourbillon. C'est pas celui-là. Je l'ai fait déjà plusieurs fois, le tourbillon d'une bouteille pour que ça descende. Ça, c'est le Coke, mettons, dans oui. Vider une bouteille de Coke. Ici, c'est la place d'insérer une paille dans la bouteille de ketchup et ça va l'aider à descendre. C'est une question physique. Pour enlever l'odeur de cigarette de vos vêtements, ajoutez une demi-tasse de bicarbonate de soude à votre cycle de lavage. Quand vous faites le lavage, ça va enlever l'odeur de cigarette. C'est plus facile d'enlever la coquille sur un œuf cuit dur si on ajoute une cuillerée à thé de vinaigre et une cuillerée à thé, de sel à l'eau dans laquelle ils les cocos cuisent. Comment? Dans l'eau des cocos. Dans l'eau des cocos. Oh là, dans l'eau des cocos. Savais-tu que chez Starbucks, si tu demandes un pappuccino, ils vont te donner un verre de crème fouettée pour ton chien. Pappuccino, il y a même l'image avec le verre. Les chiens aiment beaucoup la crème fouettée, apparemment. Prenez une petite gorgée d'huile d'olive avant d'aller vous coucher. Ça va lubrifier les muscles de votre gorge et ça va vous empêcher de ronfler. Oh! Oh. Là, tu vois, j'ai comme pas envie de boire de l'huile d'olive, par contre. Pas tellement envie. Ben ça, tu te couches vers 9h, mettons, le jeudi, vendredi. Ça va à la boutique d'huile d'olive dans l'entreprise. Ah, celle qui goûte bon ouais. Aux framboises, ouais. Au chocolat. Là, tu hop, t'en enfiles une bonne rasade. Ouais. Souris quand t'es autour des gens qui te rendent stressé. Ah. Mettons, il y a des gens que t'aimes un petit peu moins, que tu veux pas côtoyer trop souvent, qu'à chaque fois qu'ils te voient, ils te font un genre de petit air de beurre, puis ça te tape vraiment ses nerfs. Ouais. Tu sais, un genre de petit sourire mesquin que t'aimes pas pantoute. Je vois beaucoup trop de détails. Oui. Mais cette personne-là, mettons, tu l'aimes pas. Souris, ça va relâcher de la sérotonine qui va t'aider à relaxer et à être plus sociable. Ah. Social. Social. Ouais. Bref, c'est une bonne idée. Si tu veux brûler du gras plus rapidement, une tasse de café avant de t'entraîner va aider à accélérer le processus de brûlage de gras. Peut-être pas bon pour ton corps, mais tu vas brûler du gras. C'est pas grave, c'est bon du café. Ouais. Si t'es constipé, bois quelques cuillerées à table de vinaigre de cidre de pomme encore une fois. J'attends juste qu'il y en ait un parfait pour terminer, puis je vais arrêter. Appliquer du jus de citron. Ah, ça, j'aime pas ça. Non, celui-là, je me rappelle l'avoir lu. Je voulais justement le déconseiller d'appliquer du jus de citron sur les jolies petites taches de rousseur. Ah, les taches de rousseur, c'est trop cute pour les enlever. Parce qu'apparemment, ça va les faire un petit peu se calmer d'intensité. Du jus de citron. Non. Faites pas ça parce que si vous avez des taches de rousseur, vous êtes chanceux. Eux surtout. Mais. Les deux. On va arrêter là. C'était parfait. Parce que ça arrête plus. Ça arrête plus. Il y en a trop. Voilà. C'est tout pour les instructions d'assemblage et félicitations à toutes les personnes qui ont des taches de rousseur. Oui, on vous salue. On vous apprécie énormément. Oui, de loin. Au retour à David Ferron et le sort de Marie Melon. Et le nôtre aussi, par la fin même. Oui, mystère! Plot twist! Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous êtes toujours à Assemblage requis, votre émission matinale en pièces détachées, en compagnie de Jean-Philippe Charbonneau. Et Mathieu Plante. Oh oui! Dans quelques instants, David Ferron va être là, il est presque à faune. Oui. Selon son message texte, il est presque à faune. On peut deviner ce que l'autocorrect du iPhone voulait dire. Mais d'après moi, il s'est vraiment beaucoup donné pour sa chronique de Marie Melon, donc il est vraiment à fond. À fond, hein? Oui, à fond. On espère que ça ne soit pas trop à fond de Marie Melon. C'est ça. Non. Ah. Sinon, c'est peut-être je suis presque iPhone. Oui, peut-être. Parce qu'il a peut-être rechangé de cas. Il est Android à cette heure, hein? Fait que ça pourrait être. D'après ça. Moi, c'est ça. Peut-être pas. Voici celui du Val à la Sandra. Peut-être qu'il s'est transformé en iPhone. Ça se fait de voir ça. Ouais. écoute, me fixe de son regard éternel. Ma reine à mon cou, des étoiles dans le garde-fou, ta voix résonne jusqu'au ciel, au ciel. J'aime ça quand tu m'appelles mon amour. Ah, oh, ben là, habitue-toi pas. Hein, oh, Mathieu. C'était juste une fois, c'était spécial. Oui, fallait que tu profites du moment. Et voilà, c'est trop tard maintenant. Too late. Ça arrivera plus. Tiens, il est jamais trop tard par contre pour le spectacle de Kikuna qui a lieu ce soir. Demain soir, vendredi. Exactement. Oui. On va en parler tantôt avec Joanie Gagnon. Oui, mais... Mais... Avant, oui. On aurait une paire de billets à faire tirer. OK. Oui. Mais avant de la faire tirer, est-ce qu'on fait jouer de la musique un peu? Ben oui, mais on pourrait la faire tirer pendant la musique. OK, ben commençons à croire qu'il était deux fois avant. Ah oui, ah, oui, c'est ça. Si deux fois parce que dans notre main y a de l'eau, tu y adhères ou pas encore là, t'as deux choix. Pense-y deux fois parce que dans notre monde y a deux lois. Le concept c'est de le faire deux fois. Il était deux fois, c'est évidemment la chronique où on fait jouer deux chansons, deux pièces d'un artiste qui utilise la même sorte d'huile végétale dans ses recettes. Oui. Ou encore la même personne, deux personnes, deux groupes qui trippent sur la bicarbonate de soude et l'utilisent à chaque fois. À chaque fois. On dirait qu'on sort d'une chronique. On dirait que ça nous a inspiré. Oui, un peu, quand ça. Même. Donc, c'est la chronique où on fait jouer deux chansons d'un seul et même artiste et ou groupe. Oui, exactement. Aujourd'hui, on va vous faire entendre Kate Kuna, puisqu'il sera en spectacle demain, vendredi. Puis là, j'ai un blanc sur la salle. Je sais que c'est présenté par la Maison de la Culture, donc ça doit être, j'imagine, la Maison de la Culture. Oui, tout à fait. Maudit que tout ça, c'est stressant. C'est pas grave. Moi, je vais vous dire pendant ce temps-là qu'on va écouter deux chansons, évidemment. Plus tard, il y aura Entre les vagues. On va débuter avec Batiscan, qui est son classique du palmarès francophone de C'est fou. C'est sa chanson très, très calme, mais en même temps très émouvante, Batiscan. Oui. Et on va avoir des billets à vous donner. Comment est-ce que ça fonctionne, Jean-Philippe? Ben, vous avez juste à nous appeler. Dans le fond, dès que la musique commencera de Kate Kuna au 819-376-5183. 376-5183. Donc, c'est le spectacle est vendredi. Donc, demain à 20h, puis c'est au Centre culturel Pauline Julien. Ça va être excellent. Moi, je vais y être. Parfait. Et on vous donne une paire de billets, quoi? C'est une paire de billets. Une paire de billets pour Kate Kuna. Mais pour l'instant, voici la pièce Batiscan. Vous pouvez appeler à partir de là. Mais c'est pas... La paire de billets, c'est pas pour Kate Kuna. C'est pour vous.

pardonne-moi si je triche et si je me vends. Pour le fric, pour le sexe et la guerre, si je m'éloigne et je frime au milieu des cendres, dans le fric, dans le sexe et la guerre, tu sais, je suis pas un ange. Ouvre tes yeux et tes jambes sur ton rivage. Je rêve. C'était Il était deux fois avec Keith Kuna. Deux pièces entre les vagues et Batiscan avant ça, qu'on vient d'entendre. Oui, que c'est bon. Mais moi, j'adore. Oui, j'adore aussi, hein, j'adore. Par moment. Des fois, j'apprécie. Je supporte. T'étais moins un peu Keith Kuna. J'aime pas tant son genre du tout, en fait. Non. Mais je félicite quand même la personne qui a gagné nos billets pour le spectacle de Keith Kuna qui a lieu demain soir, rappelons-le. Oui, demain soir, donc vendredi, à 20h, c'est à la salle. Au centre culturel Pauline Julien. Donc, ça va être... moi, pour de vrai, j'avais... C'est dur comme approche, parce que des fois, mettons, les chansons calmes sont quand même très lourdes dans les paroles. Et puis, moi, c'est quand on est allé voir en spectacle à la tournée Sirius, qui avait lieu à l'église Sainte-Cécile un peu plus tôt cet automne. Et puis, là, je suis tombé sur le charme, là, littéralement. Ça a été mon show. Donc, ça va être là vendredi. Certain. Génial. Venez voir Jean-Philippe Charbonneau. Vous le connaissez maintenant, il a joué à TVA. Oui, c'est ça. Je figurais. On peut accueillir François Landry. Bonjour. Oui, bonjour. Ça va bien? Oui, très bien. Tu t'en viens pour ta chronique Logocratie 101? Oui, monsieur. Élection municipale. Ah oui, Trois bien 2013. Mais avant ça, les amis, on va accueillir notre ami David Ferron, qui est pris à la maison en ce moment. Donc, rejoignons-le pour sa chronique La langue dans ton oreille. La tempête de neige, hein? Ben oui, c'est ça. Hey, il y a assez de reprises assez fous. Les gens vont penser que c'est vrai. Puis on est vraiment en février. Salut David Ferron. David Ferron. Salut. C'est ça, fais-moi pas ça, je sais que t'es en ongle. T'écoutais juste pas, t'étais parti te faire un chocolat chaud. Salut. C'est pour toi, salut, pour régler ton problème d'hiver et d'autobus manqué. Ouais, là, c'est sûr. Ah! Je sais pas trop quoi faire avec ça. Ça va, David, quoi neuf? Tu nous entends pas, hein? On dirait que non. Parce que pourtant, tout va ouais, bien. Oui, ça va très bien. Excuse-moi s'il y a un petit retard entre nous deux. C'est juste que là, je vous écoute par Internet. Ça fait qu'un petit retard. Non, fais vraiment, vraiment pas ça, David, parce qu'Internet a minimum 30 secondes, une minute derrière nous. Je vais attendre qu'ils comprennent. Oui. Entends-nous par le téléphone. Mais est-ce que tu nous entends par le téléphone? Puis sinon, toi, Mathieu? Une dernière fois. Puis non, vraiment pas. Non, mais c'est ça. Oublie ça, David. Là, je me souviens plus de la question. Non, c'est ça. Si t'es pas nous écouter par Internet, David, ça ne fonctionnera pas. J'en suis vraiment désolé. On se reprendra. C'est bien, bien triste. Oui. Mais bon, on va retourner à ce qu'on faisait parce que c'est bien trop plate sinon. Là. Donc, toujours l'assemblage requis. À 8h20, on vient de complètement tomber des hauts. Rap-la-plat. On va le rap-la-plé. Oui. Si tout va bien, on devrait pouvoir l'avoir. Mais pour l'instant, je pense qu'on va s'entendre une petite pièce courte. Une pièce très, très courte. Qu'est-ce qui est court? Moi, je te dirais que The Danks m'a l'air court en la regardant. Oui, ça te parle? Ça me parle très, très fort. Donc, on écoute Experimental Fiction. Puis après ça, on rejoint notre ami David Ferron d'une autre façon à Assemblage Requis. Epic Fail! Nathan, il va t'entendre dans 30 secondes. We'll be right back. C'était The Dang, c'est Experimental Fiction à Assemblage Requis. Tout à l'heure, on était en train de parler à David Ferron, donc revenons à l'intérieur de sa chronique déjà en cours. Oui. Hey, oh. La langue dans ton oreille. Bon, bonjour David. Bon, re-bonjour Mathieu, re-bonjour Jean-François. Ah, c'est le fun. Pardon. Philippe, comme tu veux. François Landry est là, par contre, si tu veux lui parler. Oui, bonjour François. Bonjour David. Donc, David, la raison qu'on te parle aujourd'hui en direct par téléphone de ta maison, c'est bien ça? Oui, exactement. Là, je t'entends super bien, je suis content, on va pouvoir se parler. C'est le fun de le rappeler qu'on s'entendait pas tantôt. Oui. Donc, présentement, David, t'es un petit peu, disons, malade. Ben, comme tu vois, tu peux voir que j'ai une super voix sensuelle. Oh, est-ce que t'as vraiment sorti la langue en faisant ça? Non, pas tant que ça, okay. Pas autant que Miley Cyrus. Hein? OK. Parce qu'à la radio, ça sonnait comme une langue directement sur ton téléphone. Oui. Oh, t'as, c'est intense. Pourtant, ouais, ben, j'ai mon cellulaire, donc la langue est à au moins une dizaine de centimètres, au moins. Intéressant. Tu bocisses. Oui. Tu bocisses. Donc, pourquoi est-ce que tu nous appelles aujourd'hui? C'est pas une chronique à l'angle de ton oreille normale, c'est une chronique particulière et spéciale, une édition hors série. Ouais, exactement. C'est juste que, comme vous savez, j'adore ma sœur siamoise. Oui, ta sœur siamoise, Marie Melon. Est-ce que je peux faire le résumé ou tu t'en occupes? Oui, en fait, Marie Melon, qui est ma sœur siamoise, on a été séparés par une opération assez douteuse. Marie Melon, malheureusement, a eu des séquelles psychologiques plus que moi. Ça peut surprendre, mais oui. Alors là, finalement, Marie Melon, elle m'a, pendant 29 ans, elle m'a pourri la vie. Donc là, j'ai décidé finalement d'arranger son compte aujourd'hui. Oh! Oh! Est-ce qu'on est prêt à entendre comment tu as réglé son compte, David? Oui, puis sérieusement, ça avait des sous-traitants vraiment efficaces, assez fous. OK, ben on écoute ça, on retourne dans le temps. Moi, j'ai des carottes bio, c'est bon pour la santé. Ceci est un message de Sifu Extermination au service de la radio étudiante de l'UQTR et des oreilles de l'humanité. Oh. Wow! OK! Wow, David! C'est tout un sketch. Ouais, hein? C'est du gros budget, ça, là. Je savais pas qu'on était si libérés de nos dettes que ça, qu'on pouvait se permettre d'aussi grands effets spéciaux. Ouais, c'est fou. Ouais, mais en fait, c'est le montage est dû par Danny Janvier, un, justement, de vos collègues animateurs, les lundis. Aujourd'hui, dès 11h30. 11h pile. Fais tes plats comme faut. 11h pile. Eh oui, c'est ça. Puis finalement, nous envoie une lettre. Après ça, une fois que j'ai eu l'espèce de démo cassette, elle nous envoie une lettre, puis elle dit qu'est-ce que le monde hérite, puis moi, ça a l'air que j'hérite de son chien qui s'appelle Odile Beckel. Oh. Ah! Ça me rappelle un gag que j'ai fait, ça. Est-ce que c'est moi qui ai inspiré le surnom? J'avais fait une blague d'Odile Beckel récemment. Ben, c'est ça, Mère Melon, elle savait pas comment l'appeler, mais là, la semaine passée, avant que j'extermine, elle s'est dit, ben, je vais l'appeler Odile Beckel, puis ça va qu'il parle. C'est un bel addon quand même que ce soit arrivé avant qu'elle meure. Oui. Oui, puis je sais pas, est-ce que je peux l'amener en studio la semaine prochaine? Si tu peux ramener un. Un personnage de mort dit de retrouver. Oh non! Oh non, c'est le théâtre! C'est fou, ne sera pas supporté ça. Ça finit plus. La schizophrénie familiale finit plus. Parce qu'il reste encore notre ami Gustave, qui est ton autre frère triplé siamois. Oui. À la naissance, vous étiez siamois, vous ne l'êtes plus maintenant, évidemment. Non, exactement. On est toutes nous-mêmes en tant que seule personne. Oui, c'est ça. Donc, ça va être Gustave, ça va être toi. Il va y avoir un nouveau personnage qu'on va amener. Est-ce que ce ne sera pas Adèle Pécol, le chien, qui va être le personnage? Oui. Oh, il est avec moi présentement. Ah oui, ben est-ce qu'on peut lui parler? Pas encore, non, parce qu'il est timide un peu, il faut que j'aille plus fort encore, parce que... Ouais. Il est encore amer ou Annette? Oui, il est encore... J'essaie de lui expliquer comment Marie Melon est morte. Je lui explique qu'elle était morte heureuse, mais... Oui. Bon, ben, quand même, c'est... Merci, David. Ben, ça me fait plaisir. Donc, malheureusement, Marie Melon, vous ne la verrez plus jamais. Sniff, sniff, une petite larme, une seule larme sur le côté de ma joue. On se recueillera après l'émission. Ouais. Ouais, je vous comprends. J'irai vous rejoindre. Parfait. Ouais. Bon, ben, puis bonne chronique, François. Merci beaucoup, David. Merci. Salut, David. Merci pour cet excellent lead-in vers la chronique de David, de François. Quand il faut, c'est insultant pour toi, ça? Ouais, un petit peu. Mais bon. Oh, faut être méchant. À la semaine prochaine à 8h, David Ferron. Excellent, bye. Bye, on revient juste après ceci. Ah oui, ben oui. Manger des carottes pillons, c'est bon pour la santé. Ceci est un message de Sifu Extermination au service de la radio étudiante de l'UQTR et des oreilles de l'humanité. Ça y a quand même pris 3 coups de shotgun pour mourir. CFOU 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour, vous êtes toujours à Assemblage requis en ce jeudi 10 octobre 2013. Oui, enfin, elle est morte. Marie Melon lui dit au revoir et on n'entendra plus jamais parler d'elle, sauf à chaque fois que David va faire référence parce qu'il n'est pas capable de s'empêcher de faire des références à des choses que les gens comprennent pas. Respire, Mathieu, respire. Non, c'est ça, ben, je suis pas capable de respirer quand je fais des chroniques dans le Mathieu Plancho. Oui. Mais faire les blagues longues de même, ça va. Ça, c'est correct. C'est l'adrénaline de le dire. Oui. C'est Marie Melon. C'est Marie Melon qui m'inspire. Donc, oui, toujours Assemblage requis. Jean-Philippe Charbonneau est là. Mathieu Plante aussi. Ouais, plus tard à l'émission, on va avoir Joanie Gagnon, sa chronique d'art et spectacle. Alors, on sort. Oui. Ça va être bon. Mais pour tout de suite. Pour tout de suite, right now, right through, celui qui a dû subir ce qu'il vient de subir. Oui. Malgré lui, une épreuve. Voici François Landry et Logocratie 101. S'il vous plaît. Soleil. Le début est solennel. Gangster. Royal. Gangster. Soleil, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le début est solennel. Bonjour François Landry. Bonjour Mathieu Plante, Monsieur Charbonneau, moi-même, mes hommages. Oui. Votre honneur, Sa Majesté TVA. Oui, ben oui. Oui, ben c'est ça, Jean-Philippe qui est une vedette de TVA. Oui. Anne-Julie, qu'on connaît d'Assemblage requis, qui est une vedette. C'est une vieille habituée, là. C'est une has-been de TVA. Oui. Aussi, tout le monde est passé par là hier. Oui. Pour les élections municipales qui avaient lieu, la tribune qui avait lieu hier à la Chasse-Galerie. Oui, en collaboration avec l'AGE et C'est Fou 89.1. Inc. Oui, c'est quand même, vous autres, la seule radio à Trois-Rivières à avoir diffusé un débat jusqu'à maintenant. Donc, oui. Félicitations. Oui. Merci. Puis d'ailleurs, ceux qui l'auraient manqué, petite plug, ceux qui l'auraient manqué, on l'a mis sur notre page Facebook. Tellement. Facebook.com, parler que c'est fou, quand même FM. Ouais. C'est fou FM. Ah, tu tapes, c'est fou. Tu tapes donc, c'est fou, hein? Ouais. Tu tapes, c'est fou, ça arrive sur 2-3 groupes, là, puis ensuite l'émission, là. Tape, c'est fou, encore, viens au studio la semaine prochaine taper David Ferrand. Pour vrai, je réponds présent. On va-tu faire un event, t'as dit? Oui. On va-tu être attending? Taper David Ferrand. Bref. Oui, donc aujourd'hui, on l'a introduit comme ça. Je vais parler des élections municipales parce que, bon, hier, c'était cette semaine, pour ceux qui nous écoutent en rediffusion, peu importe quoi, là, genre, tu sais, stylio. C'était à la Chasse-Galerie, la tribune des candidats. 5 candidats se sont présentés et il y a une chaise vide aussi qui a été déléguée par le maire sortant. Donc, je crois que ça a fait quand même un stun. C'était assez intéressant de voir justement tout ce qu'il y avait à amener pour les étudiants. Donc, rien. Ouais, c'est ça. Quand tu dis maire sortant, c'est un terme technique pour dire que son mandat se termine, mais il va en avoir un autre sûrement, qui n'est pas vraiment sortant. Comme dirait l'autre, on verra. On verra. Le 3 novembre prochain, quand on dit maire sortant, c'est le terme technique pour dire qu'il n'est plus maire en tant que tel. Là, sur papier, il est encore maire. S'il y a une catastrophe qui arrive, c'est encore lui le maître d'œuvre, mais il n'a plus le droit de prendre de décision au nom de la population. OK, ça c'est bon à savoir. Oui. Okay. Donc, le conseil a été dissous une semaine. Le conseil valait dissous, t'as dit? Je ne voulais pas te mettre des paroles dans la bouche. Non, il n'était pas sous, il était okay. Dissous. Donc, il n'y a pas 10 sous dans le conseil. Dans le conseil. Il y en a quand même 16. Oui, c'est bon. Hein? Je m'adapte. Oui. Donc, il y a des élections, oui, partout au Québec, sauf à Lac-Mégantic, pour des raisons évidentes. Eux autres ont eu... Je te poserai un passe-droit, mais c'est pas vraiment un passe-droit. Le terme est pas juste. Restons polis. Ils ont été reportés de 2 ans. Oui. Donc, ils auront un mandat de 2 ans aux prochaines élections pour laisser le temps à la mairie de se réorganiser, à la ville de se réorganiser. Mais partout ailleurs au Québec, 1100 élections à peu près en même temps. Donc, le 3 novembre prochain, checkez bien ça, les 1100 résultats qui vont sortir, il y en a déjà que c'est élu d'avance. Il n'y a pas eu d'opposition, donc c'est par réclamation. Donc le DGE, donc le directeur général des élections, a fait office de démocrate, a dit il y a personne contre toi, tu gagnes. Tu gagnes. Tandis que partout ailleurs dans les élections, il y a une fameuse chaise. Il y a au moins chaise. Une chaise, oui. Oui, mais pas au municipal. Ça aurait été le fun de voter pour une chaise. Ben oui. Ben, tu peux être contre la personne qui se présente. Ouais, tu peux t'abstenir de voter. Ça, c'est, oui. C'est pas de sa faute s'il y a personne d'autre qui se présente contre lui. Non, évidemment, évidemment. Mais bon, ici à Trois-Rivières, par contre, c'est la ville au Québec où il y a le plus de candidats, candidates qui se présentent tout poste confondu. À titre d'exemple, il y en a 75 candidats, donc oui. 75 citoyens de Trois-Rivières qui se font la lutte pour les différents postes, dont 6 seulement pour la mairie. C'est jamais vu depuis 1990. Quand même. Donc ça fait quand même 23 ans. Si ma mémoire, mes maths 416 sont bonnes. Sors ton info. Oui. Ouais. Application date. On est rendu là. Et puis... il y a 69 candidats pour les 16 autres sièges. Donc, il y a 16 districts à Trois-Rivières. 69 candidats qui se présentent. Donc, quelques jeunes, pas beaucoup, mais quand même, c'est le fun de voir qu'il y a des moins de 30 ans qui se présentent. Mais c'est surtout des personnes en âge avancé. Et quand même... fidèles à Trois-Rivières. Oui, ben pour la mairie, quand même un gros nom. Là, c'est Vitardif, c'est comme un gros nom. Les autres, c'est des plus jeunes. Oui, il y a Catherine Dufresne qui est la plus jeune, qui a 36 ans, qui se présente, mais qui a quand même de l'expérience derrière, pas la cravate, parce qu'on n'en porte pas, mais derrière... pour elle, Avril Lavigne en porte. Ah, ben, écoute, on peut y suggérer ça. Derrière le collier. Derrière le collier, on a porté un très beau hier. Donc, et entre-temps, il y en a des fois qui sont, non pas bouffons, mais il y en a qui y vont par conviction personnelle, mais qui ont de la difficulté à s'exprimer en public, qui ont de la misère à faire passer leur idée, mais c'est tout à fait légitime qu'ils se présentent quand même, parce que c'est pas la prestance qui fait le maire, c'est les idées, donc, et le caractère. Donc, je disais qu'il y en avait 75 qui se présentaient. Côté statistique, on aime ça. Donc, 1990, il y avait 6 candidatures à la mairie aussi. Donc, 23 ans de différence. Et pour les députés, les districts, les conseillers, il faut remonter en 2001 pour en avoir 56. En 2005, il y en avait 35. Et en 2009, 35 aussi. Donc, aux dernières élections, seulement 35. Donc, il n'y avait pas beaucoup de gens. À la mairie, il y avait André Carle qui se présentait contre Yves Lévesque. André Carle avait fini avec 45% et Yves Lévesque, 55%. Donc, c'est pour ça, sûrement, cette année, tout le monde s'est dit, j'ai une chance d'y aller. Si André Carle, qui était à l'époque, excuse-moi André, c'est mon ami Facebook, mais pas le choix par alliance commune, personne ne le connaissait. Il s'était un peu reconnu, c'était un architecte. Et il y a eu 45. Un bon donc, c'était la grogne envers Yves Lévesque qui se répercutait dans ces votes-là. Donc, ça veut dire que les gens ne votent pas pour Yves Lévesque, ils votent pour Carle. Dans notre démocratie britannique, d'expression britannique ici en Amérique, c'est habituellement on ne vote pas pour quelqu'un, mais on vote contre quelqu'un. C'est ça. Parce que voter pour, c'est très rare qu'on dise je veux voter pour tel parti ou tel candidat, parce que tellement de manière de pas de voter, mais de conclure une élection. Donc, il faut voter pour le député qui, lui, va faire un siège. Donc, le pourcentage, c'est mêlant. Mais habituellement, on vote, c'est rare au Québec. On est chialus par nature. On vote pas pour quelqu'un. Parce que quand ça va bien... Ça nous engage trop. C'est ça. T'sais, on veut pas trop s'afficher. Mais par contre, c'est le fun de gueuler. C'est le fun de dire « Ah, moi, je le dénonce. » Oui, mais bon, qui sont les 6 candidats à la mairie? Je vais vous faire un petit résumé de ce que j'ai trouvé sur leur page, sur leur programme, juste pour voir qu'est-ce qu'ils veulent promouvoir. Et vous allez voir qu'à l'intérieur, il n'y a pas grand-chose pour les jeunes. On le disait hier, la tribune qui était organisée était entre autres pour démontrer est-ce que le jeune a encore une place dans la pensée de la ville. Est-ce que, bon, on sait, les jeunes quittent Trois-Rivières. Les jeunes viennent à Trois-Rivières pour étudier et ils repartent aussitôt. La rétention est très, très faible. Même l'accueil est très faible. Il y a peu de nouvelles familles qui s'accrochent ici. Et même, là, Statistique Canada, j'aime pas leurs chiffres, mais c'est de 0 à 14 ans, puis de 14 ans à 65 ans et 65 ans et plus, leur strat. La tranche du milieu est large, est un petit peu trop large. Hein? Fait que eux autres disent que cette tranche-là est minoritaire pour l'instant, puis les 65 ans et plus sont majoritaires. Donc, on voit la pyramide inversée des âges. Donc, ça donne à penser qu'il y aura un déficit démographique éventuellement si on n'inverse pas la tendance, si on ne fait pas plus de bébés. Donc, si les jeunes ne restent pas ici, si on ne les accueille pas. Donc, je vais y aller comme ça au gré du vent. Donc, Richard Saint-Germain, celui qui, ceux qui ont assisté à la tribune hier, est assez en plein milieu. Donc, force 3R. Lui, c'est réduire les dépenses. Sa première promesse, réduire les dépenses, réduire les dépenses, réduire les dépenses. Et ça, je le dis trois fois parce que ça marquait trois fois dans son programme. Donc, il faut prendre des moyens rapidement pour éviter une augmentation trop importante du compte de taxes. Encore là, les fameuses taxes, c'est le leitmotiv de tous les candidats. Baissons les taxes. Puis même en m'en venant ici tantôt sur des forges, j'avais une grosse caravane avec un gros panneau publicitaire payé par le propriétaire du caravane parce que c'était tout en stainless, tout en crayon feutre. C'était « On veut un gel des taxes ». OK. Ben, t'as le droit, mon gars. Il l'a dit. Il l'a dit. Je veux un million de dollars. Vends ta caravane ou utilise pas le gaz pour venir. Oui, je sais pour ça. Puis tu vas peut-être avoir plus d'argent. C'est une idée de même. Hein? Je me lance en politique. C'est une idée de même. Gaspille pas. Il vise aussi une réduction des taxes chaque année. Pas juste de réduire les dépenses. Réduction des taxes chaque année. Donc, il veut que la ville divulgue aussi plus d'informations à la population. OK. On est pour ça. C'est aussi important d'instaurer une politique de gestion de la dette. Gérer la dette. Moi, honnêtement, je préfère qu'on l'élimine, mais lui, il veut la gérer. Bon. Contrôlez-la. Contrôlez-la, oui, un foot control. Ah, et aussi, il dit que les jeunes ne doivent pas être hantés par la dette. Encore là, quand il parle des jeunes, c'est la dette. Pas il compte les fantômes, en plus. Il compte les fantômes, oui. Mario Bros serait pas content, tu sais, les petits fantômes. Marcel Gérard, moi, je l'appelle la grand-maman. T'sais, elle a l'air toute douce, toute menue. Oh, c'est une fille, OK. Marcel Gérard. Celle qui était deuxième assise à la table. Je pensais que Rémi Girard avait encore réussi à s'inclure dans quelque chose d'autre. Là. Ça va faire. Une télésérie. Là. Ben, elle va pogner, c'est sûr qu'elle va pogner quand Rémi joue. Donc, elle, c'est son premier engagement, informer la population. Oui. Okay. On aime ça, la transparence, on aime ça. Elle veut tout mettre en œuvre pour que l'on soit reconnu pour nos mesures de gouvernance. Donc, elle veut faire de Trois-Rivières une ville exemplaire dans sa gestion, dans sa gouvernance, dans son principe démocratique. On peut pas lui enlever ça. C'est très noble comme... elle a du chemin à faire, par contre. Oui. Hein? Elle a beaucoup de chemin à faire. Il faut mobiliser les gens pour cette nouvelle ville. Donc, il faut redonner Trois-Rivières au peuple. T'sais. Donc, encore là, c'est assez sexy comme programme. Mais comment le faire? Elle l'explique pas. On sait pas ça. Pierre-Benoît Fortin. Lui, c'est Monsieur Moustache. Oui, la moustache. Il y a une grosse moustache. Ouais. Movember, là, ah, il gagne à tout coup. Ouais. C'est, mais pas pour Movember, c'est sa vraie moustache. Non, lui, c'est Alan Ember. Donc, lui, c'est un vieux de la vieille, un vieux routier de la politique qui se présente au provincial, fédéral, municipal. Donc, tous les paliers gouvernementaux, il se présente. Même, il faudrait savoir s'il est aux commissions scolaires, si c'en est un autre palier gouvernemental qu'il faut investir, oui, parce que... On l'oublie, celui-là. On l'oublie, hein? Le taux de participation, je pense qu'il est en deçà de 5%. Hein? Puis il gère quand même beaucoup de millions d'argent. Puis un petit truc de même, c'est payant, le commissaire. Je dis ça juste demain. Ah. C'est un petit sideline, là. Intéressez-vous à ça. Donc, lui, c'est diminuer la dette. Encore là, il veut diminuer la dette. Ça revient, ce discours récurrent. Les taxes, la dette. 400 millions qu'il veut... qu'elle est présentement. 400 millions, c'est quasiment la dette du Québec. Là. Rajoute un zéro, puis c'est la dette du Québec. Donc, il veut établir un partenariat public-privé pour l'Arena, rendre l'accès à l'île Saint-Quentin gratuit. Ça, pour moi, il a piqué le projet assez plus tardif, parce que c'est quand même elle la première à l'avoir dit. Ça fait longtemps quand même qu'elle s'en vante. Oui, tout à fait. Et il veut enlever les parcomètres au centre-ville. Oui, c'est lui ça, c'est vrai. Qui viennent d'être installés. Qui viennent d'être installés. Okay. Donc, une dépense de plusieurs centaines de milliers. Ouais. Bien, on enlève ça. Et ensuite, il veut accorder un crédit de taxe de 3 000 $ pour toute nouvelle construction. Parce que quand tu te bâtis une maison, ça coûte cher, faut que tu payes des taxes et tout ça, donc lui veut l'abolir. Je pense que c'est illégal de faire ça, parce que ça relève de Québec. Il s'est pas renseigné bien. Il faudrait peut-être lui envoyer un petit tweet. Là. Non, il a mélangé les cartes. Un petit Facebook. Oui. Ensuite, il veut accorder un crédit de taxe de 2 000 $ aux personnes qui feront des rénovations de plus de 1 000 $ chez eux. Donc, tu fais 1 000 $, ils vont sur 2 000. Ouais. Donc, la ville va payer pour tes rénovations. Ouais. Donc, on va s'entendre, les rénovations à 1 000 $, c'est pas mal toutes tes rénovations. Ouais, c'est ça. Qui commencent à 1 000 $. Juste changer tes thermostats, je pense que ça coûte ça. À peu près. Donc, aussi, il veut respecter les zones agricoles. Ça doit plutôt s'appliquer à Champlain, mais Sainte-Marthe et Pointe-du-Lac, parce qu'on s'entend qu'au centre-ville, à part des poulaillers urbains, pour ceux qui ont grandes zones agricoles ou peut-être des carottes dans ton potager. Respecte mon carré de patates. Hein? Des carottes! Et ensuite, il veut créer un comité de jeunes et un comité d'aînés pour discuter. Ensemble? Oui. Pas chacun de leur bord. C'est pas marqué. C'est pas très détaillé, leurs affaires. Hein? Non, ben, c'est ça que je trouve plate. Il y a plein d'idées. Mais comment tu vas les appliquer? Moi, c'est pas ton idée qui est bonne. C'est la manière de parvenir. Ben oui, ben c'est ça qui est dur. Parce que, ben beau dire, ouais, on abolit toutes les taxes. comment? Ah oui, ça, est-ce que tu vas prendre l'argent pour compenser? Ou... La tactique, c'est genre de donner des grandes lignes pour se faire élire, mais t'as aucune chose de te faire élire si on sait pas comment tu vas accomplir tes affaires-là, parce que ça se pourrait que tu le fasses pas. Exactement. Donc, pourquoi c'est... voter pour toi? C'est ça. Vote pour moi, ouais. Comment je vais voter pour toi? Dis-moi-le. C'est à peu près ça. Yves Lévesque, le grand perdant de la tribune d'hier. Le gars, là. L'archevêque. Monseigneur. Oui, sa majesté, oui. L'évêque premier. Donc, lui, il dit qu'il faut continuer ce qu'on a commencé. Donc, lui, c'est continuité. Stabilité. Donc, pareil, ça va bien à Trois-Rivières. Pas eu de problème. On continue de même, non, pas de problème. Mais il veut s'occuper un petit peu plus de ses aînés. La grande partie de Trois-Rivières. Voilà, donc ça revient ça. Il dit qu'il a mis l'accent sur la culture et les plateaux sportifs jusqu'à présent. Mm-hmm. Mettre l'accent sur la culture, ça veut dire culturer. Tu mets un accent dessus. Culturer. Ah, ben ouais, ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça. Et sur les plateaux sportifs. Les plateaux sportifs. Ah, les cabarets. On peut-tu passer à autre chose? à moins que ce soit les cabarets de bar, ouais. Qu'il y ait plus de monde dans les bars. Donc, la barmaid fait plus de pirouettes pour pouvoir... Oui, il veut faire une comédie musicale sur Trois-Rivières, genre Testimo, quelque chose. Oh. Mais, tu sais... La fuse cabaret. M'a chanté. Maintenant, c'est au tour des aînés de s'impliquer en ville. C'est ce qu'il dit. OK, je pensais que c'était déjà ça. Et aussi, il faut offrir une qualité de vie aux gens. Oui, je t'offre ça par la poste, par courriel. Oui. Voici une carte pour une qualité. Large oui. Vous avez droit à une large quality. il dit aussi que ce serait le fun que les aînés viennent s'installer chez nous. Donc, lui, c'est la sa véranda. Peut-être pas chez lui, okay. Mais chez nous, dans le nous inclusif. Wow. Donc, il veut rapatrier les aînés à Trois-Rivières. OK. C'est pas les jeunes qui fallait, moi. Moi aussi. En tout cas. Nouveau slogan, amenez les aînés. Oui, les aînés. Les aînés. C'est les fameuses soirées Bring Your Aînés. Oh, ça sonne bizarre avec les lettres aînés, quelque chose aînés. Au début. L'avant-dernière, Sylvie Tardif, celle qu'on connaît bien parce que ça fait quand même. C'est une vieille routière de du réseau communautaire, une conseillère municipale depuis quelques années déjà et farouche opposante au maire. Non, elle, c'est la gestion financière de la ville sera rigoureuse. Elle dit pas si c'est bien ou c'est pas bien, mais juste serrer la vis un peu sur les entrées et sorties d'argent. Ce sera une ville où l'on tiendra compte du développement économique tout en pensant aux aspects de l'environnement et de la qualité de vie. Oh, la première qui prononce le mot environnement. Environnement, oui. Et la première, à part Yves Lavaille, qui parle de qualité de vie. Donc, encore là, comment? On le sait pas. Il faut un équilibre entre les trois. Donc, sur une pointe de terre, t'as un tiers, un tiers, un tiers. Donc, ça commence à être bien partagé. Mais il reste quand même une couple d'aspects qui n'ont pas été traités. Encore là, les jeunes. Elle veut ramener le respect de la parole de chacun au conseil. Donc, une plus grande démocratie, une plus grande transparence. Tant pour les conseillers que pour les citoyens. Donc, la première a dit qu'il y a un problème à l'hôtel de ville. Ensuite, elle veut créer 3100 emplois. Ça, c'est un piège. Si vous allez en politique, là, mon deuxième conseil, le premier, c'est faites pas ça. C'est allez pas en politique. Mon deuxième serait ne promettez jamais des emplois. Parce que c'est pas parce que vous êtes maire que c'est vous qui allez créer des emplois. C'est ça. C'est l'économie, tout simplement. Si une entreprise vient ici, on peut favoriser l'implantation d'une entreprise. L'entreprise créera 50, 70 ou 3100 emplois. Mais ça, t'as pas de contrôle sur les emplois. C'est pas le maire. Le maire Angers, qui s'est fait élire en 2009 à Shawinigan, a dit je veux créer 3000 emplois. Il y a eu 500 pertes d'emplois. Donc, il est en déficit de 3500 emplois sur sa promesse de 2009. Et là, la semaine dernière, il a dit « Je veux créer 500 emplois. » Il n'a pas appris. Il n'a pas appris de ses leçons. Non. Wow. Dites pas ça. Dites juste que tu veux favoriser l'implantation d'emplois ou la création de nouveaux emplois à Trois-Rivières. Puis s'il y en a un emploi qui se crée, tu pourras dire « J'ai réussi. » Et j'ai gagné. Ouais. Donc, étape 1, pas de politique. Étape 2, pas de promesse des emplois. Étape 3, on parle pas de Fight Club. Je comprends. OK. Fight Club. Ah oui, oui, comme le film. Oui. Oui. Nous autres, la règle numéro 1, nous autres, on la met en 3e. C'est vrai. Il faudrait que je réécoute. Hein. Un classique. J'ai pas retenu les règles, désolé. Pas grave, passe à autre chose. Oui, passe à autre chose. Catherine Dufresne, la plus jeune, on le disait, 36 ans, qui est conseillère depuis quelques années encore, depuis, elle était du bord de Sylvie Tardif, dans le groupe des 7-8, là, des fois. C'était quand même un poids lourd au conseil de ville, jeune, dynamique, qui provient pas de la vieille garde politique, qui ne vient pas de la rancœur envers Yves Lévesque. Donc, on disait, c'est une figure montante, la jeunesse est enfin représentée, mais forcé d'être admettre que c'est pas vraiment ça qu'elle représente. Elle manque du contenu. Elle manque un petit peu de contenu, un petit peu d'expérience aussi dans sa manière de faire la politique. Puis les mauvaises langues diront qu'elle est là pour son curriculum vitae. Elle sort les études. Elle a été élue conseillère et puis là, elle veut devenir mère. Pas de problème, t'sais, elle a le droit de faire ça. Mais va chercher un petit peu d'expérience pour voir c'est quoi travailler au salaire minimum dans un restaurant ou va... Puis elle était même pas dans l'OGE, rien. Non, ben non. C'est supposé être ça. En plus. Non, ben c'est vrai, l'OGE, c'est une très belle expérience, même, justement. Ouais. Donc, revenons à son programme. Elle veut créer... elle veut d'abord créer ce qu'elle qualifie de pépinière PME. Oui, c'est vrai. La pépinière PME. Encore là, elle veut investir, elle veut que la ville investisse 600 000 $ par année pour financer le démarrage de vingtaines de projets d'entreprise. OK, c'est très long, c'est enfin la ville qui veut implanter, mais est-ce que c'est par en subvention ou en congé de taxe? Mm-hmm. Parce que congé de taxe, habituellement, il n'y a pas de nouveaux revenus qui arrivent, à part que les travailleurs travaillent puis eux autres payent des taxes, mais c'est pas vraiment efficace, c'est pas vraiment... Économiquement parlant, c'est pas trop viable. Tu sais, pour la population, oui. Mais pour les revenus de la ville, on en reparle là. Ensuite, elle veut faire un concours avec les finissants de l'UQTR. Donc, c'est la première qui s'intéresse à l'éducation, de par son jeune âge sûrement. Donc, elle sait plus ce qu'est la réalité universitaire. Donc, ceux qui présenteront un projet qui ira dans le sens des énergies renouvelables, des nouvelles technologies, de l'ingénierie, les arts, des sciences sociales... Qui contribuera à faire grandir Trois-Rivières? Elle veut. Économiquement ou imagement parlant. Oui. Ou, en tout cas, que des retombées pour Trois-Rivières, on s'entend là-dessus. Donc, elle veut ouvrir un concours avec des bourses. Ce qui est très bien. Sauf ce qu'il faut savoir, c'est que est-ce que c'est la ville qui va faire le partenariat avec l'UQTR? Est-ce que l'UQTR va accepter? Mm. Donc, il y a deux partenaires là-dedans. Est-ce que l'UQTR va permettre la diffusion des listes de ses étudiants envers la ville? Connaissant l'UQTR? Non. Non. Tu peux pas faire une promesse pour qu'il tient sur le dos de quelqu'un d'autre. Exactement. Donc, tu l'as très bien résumé. Donc, il va falloir qu'elle fasse un concours. On va s'inscrire, puis il va y avoir un jury, un conseil et tout ça. Donc, c'est encore des dépenses. Et qui va faire quoi? Et un projet d'art plastique, est-ce qu'il va avoir la même notoriété qu'un projet en ingénierie qui va recycler les eaux usées de Trois-Rivières? Elle sait pas. Pourtant, on a beaucoup des eaux usées dans la population. Les personnes âgées. J'essaie de faire une joke, mais non, non c'est ça. Elle souhaite aussi, et là, c'est sa grande promesse, puis à chaque fois, à avoir su Mathieu, je t'aurais dit, va sur YouTube chercher Monorail des Simpsons. Mais Catherine Dufresne, elle pique l'idée de Jean-Martin Lassalle d'Option nationale. Elle veut un monorail. Oui. Donc, elle a dit, on va se rendre à Montréal en 45 minutes. OK. Pas mieux. Cool. Mais le transport en commun à Trois-Rivières... Et déjà, ça va déjà mal. Va déjà mal. Puis aussi, mon oreille, où on va le faire passer? Au centre-ville de Trois-Rivières ou, comme tout le monde le dit, près de la 20, ça arrive sud. Mais moi, peut-être tu pourras m'éclairer là-dessus, François. Moi qui est nouvellement, comme tu l'as entendu à TVA, nouvellement trifluvien. pourquoi mon oreille qui se rendrait à Montréal? Je veux dire, le but, c'est de garder nos gens. Est-ce qu'on veut... Parce que ça va être un dur coup pour le centre-ville. Honnêtement, je ne le sais pas. Parce que le projet de monorail, tel qu'on en discute un peu partout, ça serait de l'autre bord de Québec jusqu'à Montréal. Donc, faire l'axe Québec-Montréal et éventuellement le rendre peut-être jusqu'à Windsor en Ontario. Mm-hmm. Donc, faire un axe routier très vite pour qu'il y ait un plus grand déplacement. Est-ce que c'est pour la population? Est-ce que c'est pour la marchandise? Il y a un flou. Et aussi avec le lac Mégantic, on n'a pas le choix d'en revenir. Et hier encore, au centre-ville de Trois-Rivières, il y a eu un déraillement de train aussi. Est-ce qu'un monorail est vraiment approprié? Ce qu'on veut. Est-ce que c'est prioritaire? Oui. On le sait pas. Hein? Puis surtout, ça serait construit sur la rive sud. C'est là qu'il y a le plus de terre vierge. Est-ce que ça serait profitable pour Trois-Rivières? Peut-être que certaines entreprises pourraient aller chercher de l'argent à faire là pour construire le monorail et tout ça. Et peut-être que certains gens, un Homer pourrait devenir le conducteur du monorail. Qui sait? Mais Sylvie Tardif a très bien résumé. Elle dit, avoir un monorail à Trois-Rivières, ça serait bien, mais c'est pas prioritaire. Ce qui serait mieux, c'est d'avoir un train qui fait Pointe-du-Lac-Sainte-Marthe. Mm-hmm. On s'entend que monorail fait Pointe-du-Lac-Sainte-Marthe, ça prendrait 10 secondes. Tu serais déjà à l'autre bord. Ouais. Ça vaut pas la peine. Là. Non. Fait que, occupons-nous du transport en commun à Trois-Rivières avant de développer le monorail. Et le monorail, ça serait un projet québécois. Peut-être un projet de société, parce qu'on est tellement en manque de projets de société au Québec, que ça pourrait devenir la prochaine vibe d'un gouvernement élu le 9 décembre prochain. Ouais. Juste demain. Et Trois-Vert ne peut pas juste construire son tronçon de monorail. Mm-hmm. Puis si Québec-Montréal n'embarque pas, Deschambault n'embarque pas, et ben oui, Joliette n'embarque pas, on a la cave un petit peu. Ça nous permettra aussi de relancer le débat sur le TGV. Oh oui! Tout à fait. Tout à fait. Donc, tout ça pour dire que c'est des promesses. On ne sait pas comment ils vont en venir à bout. À Trois-Rivières, il y a 104 833 électeurs, dont toi, Jean-Philippe, qui est le 33e. Ben oui. C'est bien. Qui apparaît sur la liste électorale préliminaire. Parce que c'est encore le temps de changer. Si vous êtes à Shawinigan, mais tu dis non, ma vie maintenant, c'est Trois-Rivières, faut contacter déjà de par son site à électionquebec.qc.ca. Et tu fais ton changement d'adresse sur la liste électorale. Tu as encore quelques jours pour le faire d'ici le 26... avant le 26 octobre. Donc, mettons, fais ça là. Ouais. Au moment où je te parle, fais ça là. Pendant la pause café. Les élections du 3 novembre prochain coûteront 1,4 million de dollars pour Trois-Rivières et nécessiteront la participation de 800 travailleurs. Donc, c'est une pépinière. Pas à PME, mais à travailleurs pour les élections. Et il y a 276 bureaux de vote répartis dans 26 lieux différents. Donc, toi, Trifluvien, toi, Trifluvienne, tu n'as pas le choix d'aller voter. Il y a tellement d'espace, tellement de manières de t'informer et d'aller voter qu'il faut voter, surtout les jeunes. Toi, je m'adresse à toi, le jeune. Tu es 30% à aller voter. Ça sera le fun de monter ça au-dessus de 100%, parce qu'on le voit dans la pointe. Au-dessus de 100%, non, ben, tu vois, tu vises toujours une marge d'erreur, là, ouais. 19 fois sur 20. Tu peux aller à 102, 103, 104%. Ouais. Au moins, facilement. Et puis, non, ben, c'est comme sur l'autoroute, c'est 100 km maximum, mais tout le monde roule à 120. Oui, c'est pareil pour les élections. C'est pareil, il y a 100%, il y a 120%. On le voit dans le programme, c'est fait pour les personnes en âge. Il n'y a rien ou presque pour les jeunes. Tant que les jeunes ne s'intéresseront pas à la politique, ceux qui sont là vont gouverner pour ceux qui les élisent. Et ceux qui les élisent, ce sont les gens en âge. Donc, c'est à toi de faire un choix. Si tu dis que ça ne me représente pas la ville, c'est peut-être parce que tu n'as pas été voté. Mm-hmm. Ça, c'est mon impression à moi. Fait que moi, c'est clair que je vais voter le 3 novembre. Peut-être pour une chaise, parce que moi, de par chez nous, j'aime pas les candidats. Moi, j'habite pas Trois-Rivières. Mais au moins, j'irai voter, puis ça sera un vote de contestation, d'abstention, ou si j'ai une élimination dans la nuit du 2 au 3, je voterai peut-être pour quelqu'un. Voilà. 3 novembre, élection municipale à Trois-Rivières, partout au Québec. On va en reparler, c'est sûr. C'est pratiquement certain. Surtout proche de la date, on va vous rappeler plusieurs fois d'aller voter. Oui, on va vous talonner. Sinon, tu peux toujours avoir... je sais pas si tu as vu passer ça sur les Facebook. Tu peux toujours avoir un accident de chasse pour avoir une illumination. L'accident de chiasse, là, de c'est chasse, quand tu vas mal à la toilette, c'est ça? Non, mais j'ai vu... Il y a quelqu'un qui a eu un accident de chasse puis qui a reçu une balle dans le cerveau. Ah. Et puis après ça, écoute, c'est le Journal de Montréal, là. qui a fait un article là-dessus. Puis j'ai juste vu passer parce que quelqu'un l'a publié sur Facebook. Puis après ça, il s'est mis à être pro-libéral. C'est quelqu'un qui était anti-libéral, puis à cause de son accident ben de chasse, non. C'est l'illumination, puis maintenant, il comprend le parti. Fait que le Journal de Montréal a décidé de faire un article là-dessus. Je te l'enverrai, François, oui, juste pour rire. S'il vous plaît. C'est du bonbon, là. Je veux regarder, non pas lire, mais je veux regarder ça. Oui, mais je pensais que c'était un article du, des fausses nouvelles. Ouais, le journal de Montréal, entre autres, qui est crampant. Oui. Donc, voilà. Je m'excuse là-dessus. Non, c'est bien parfait. Merci. Ça fait plaisir. À la semaine prochaine. On va suivre ça. Ouais. Il y a qualité de marge, je sais. Mais... Ouais, ça sonne pas. Ça date des années 90. Encore pire que je pensais. Aïe, aïe, tu sais, c'est celui. Ça disait en bas que c'était une qualité de marde, mais finalement, peut-être qu'on va essayer celle-là. Pas en tout. Les deux sont aussi mauvais. Ça donne à rien d'avoir passé ça, pas en tout. C'est pas la version française de France? Oui, je sais pas la version de France, j'ai cherché. Wow. Comment ils font pour aimer ça? Ça ne s'appelle pas en France non plus, les Simpsons. Non, vraiment pas. Vraiment c'est pas. C'est au Québec que ça s'appelle le plus. À la place, je t'ai préparé une pièce de la formation Paper Maps. C'est The Hedonist et l'hédonisme est apparemment, selon Wikipédia, une doctrine philosophique grecque selon laquelle la recherche du plaisir et l'évitement du déplaisir constituent l'objectif de l'existence humaine. Alors, je suis hédoniste. Tu es des hédonistes et tu veux le meilleur candidat hédoniste possible. ça va être difficile de trouver. Bonne chance. Merci. 3 novembre. Bonne oreille! In her tea, she's eager, shivering, and nervous. Having just told me, taking her hand, I face some fables, something reckless, wild, and free. Above the ones who claim to love us, they also feel free. The Hedonist par la formation Paper Maps. Au retour, on parle entre autres du 3e Metal Fest dans la chronique. Alors on sort! À l'assemblage Ricky, restez là. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous êtes toujours à Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées sous les ondes de C'est fou 89 FM. Moi, c'est Mathieu Plante. Jean-Philippe Charbonneau va être de retour dans quelques minutes. Mais pour l'instant, on accueille Joanie Gagnon. Salut! Ça va? Ça va très bien, toi? Ben oui, heureux de te recevoir pour parler de spectacle comme à chaque semaine. Donc voici la chronique. Alors, on sort! Et Joanie, on a toujours besoin de savoir quoi faire, donc on te reçoit pour la chronique à l'avant-sort. Oui, et cette semaine, une thématique un petit peu Halloween, parce qu'on sait que ça s'en vient très bientôt. Il y a tout d'abord le parcours de peur à la vieille prison de Trois-Rivières, qui est du 11 octobre au 16 novembre. Vous pouvez aller sur leur site pour voir les détails sur, le parcours de la vieille prison. Donc c'est culturepop.qc.ca. C'est le Musée québécois de culture populaire qui vous prépare un tout nouveau parcours de peur pour cet automne. Donc, c'est basé d'ailleurs sur le roman Le protocole restant de Mathieu Fortin. Donc, le nouveau parcours vous mènera dans la vieille prison de Trois-Rivières si vous avez envie d'essayer ça pour vous mettre à l'abri des zombies. Ouh. C'est 16 ans et plus, c'est sur réservation et c'est 20$ seulement. Génial, pour vrai, je l'ai pas encore fait ça, c'est quelque chose qu'il faut ajouter à sa liste avant, oui, de, vraiment, avant de mourir. Oui, vraiment, ouais, c'est ça. Avant de mourir, allez faire ça. Sinon, dans la même thématique, il y a Frissons d'Halloween au Borealis. Donc, le musée vous invite au cœur de ces voûtes transformées en maisons hantées. C'est du 5 au 27 octobre, c'est toutes les fins de semaine, de 11h à 16h. C'est au coût de 7$, si ça vous tente aussi de faire une activité dans la thématique de l'Halloween. Mm-hmm. Sinon, pour une activité un peu plus relaxe, en fin de semaine, le cinéma Le Tapis Rouge nous présente le meilleur cinéma international et accorde une place privilégiée au cinéma québécois. C'est du 4 au 10 octobre. Ce soir, c'est la dernière soirée. C'est le tarif régulier. Vous allez sur le site web cinémaletapisrouge.com pour aller voir les détails des films qui vont être à l'affiche prochainement. Belle place, c'est dans l'ancien, l'ancienne usine là, où ils imprimaient le Nouvelliste, ouais. C'est ça. Voilà. Exactement. Aussi, petit rappel, le Festival international de la poésie de Trois-Rivières reste jusqu'à dimanche pour aller voir ça. C'était du 4 au 13 octobre, donc le Festival international de la poésie qui compte plus de 100 poètes provenant de 30 pays différents. Il y a beaucoup d'activités à faire en lien avec ça en fin de semaine. En tout, il y avait 375 activités prévues. Vous pouvez aller sur leur site web qui est le fiptr.com pour plus d'informations. Donc, c'était juste un petit rappel aussi... En lien avec ça, à la Maison de la Culture, à la salle Louis-Philippe Poisson, il y a Musique du Monde et Poésie d'ailleurs ce dimanche. Donc, c'est une lecture de poèmes accompagnée de Musique du Monde, pour ceux que ça pourrait intéresser. Mm-hmm. Aussi, ça, j'ai été surprise de voir ça. Nul autre que les bébés qui vont être à la Petite Grenouille. Ceux qui chantent « Pourquoi t'es en vie? » Rappelle-moi pas ces mauvais souvenirs! Je pensais pas qu'ils faisaient ce spectacle, mais bon, pour ceux que ça intéressait, oui, c'est ceux que ça pourrait intéresser, c'est à 21h et les billets sont en pré-vente disponibles à la Petite Grenouille. C'est ce dimanche, le 13 octobre, ceux qui veulent se rappeler des souvenirs. C'est ça. Si vous gardez ça pour vous, parce que sinon, vous allez vous faire juger un peu. Ouais, c'est ça. Allez-y. En secret. Avec une petite cagoule, mettons, c'est ça, puis un chapeau. Une petite cagoule, tu sais, qu'on voit juste les yeux. Oui, c'est ça. Oui. Pourquoi pas? Le sou de skidou complet. Mais il faudrait pas qu'on connaisse ton linge non plus. C'est ça. Inaperçu. Sinon, on a aussi le Metal Fest, c'est la 13e édition. Oui. C'est du 11 et le 12 octobre, donc vendredi et samedi. On dit qu'il va y avoir 15 groupes pendant deux soirs. C'est dans la bâtisse industrielle, donc à Trois-Rivières. Et les billets, le billet pour un soir, c'est 35$. La passe pour les deux soirs, 60$. Donc, il y en a en vente au Amnesia et au Puce Rock, entre autres. Il y a plusieurs points de vente. Pour voir justement tous les points de vente et tous les détails, allez au www.3rmf.com. www.metalfest.com pour la 13e édition du Metal Fest. Et si vous y allez pour un certain nombre de personnes qui vont se présenter à l'entrée, il va y avoir une compilation double remise gratuitement. Oui, exactement. Quantité limitée. Et C'est Fou est partenaire avec cet événement-là. Donc, c'est le Trois-Rivières Metal Fest. Allez voir ça. En fin de semaine. Oui. Sinon aussi, ce vendredi, c'est du côté de Montréal par contre, mais on a le lancement d'album du groupe Kamakazi, un groupe franco qui est devenu un peu anglo, on sait pas trop, ils font des deux. Ça va être à l'Astral à Montréal, c'est à 20h, c'est tout âge. Les portes ouvrent à 19h, c'est 22$ avec, entre autres, Hopeland et Vadel, un groupe de France. Ouais. Sinon, je n'en parle tout de suite, comme d'habitude, mardi prochain, au Gambrinus, il va y avoir le Greg McPherson Band pour, dans le cadre de sa Fireball Tour 2013. McPherson, qui est un auteur-compositeur-interprète canadien, il vient de Winnipeg, il va être de passage à Trois-Rivières, donc c'est au Gambrinus à 21h, comme d'habitude, ça va être une soirée folk rock pour 8$. Et ça, c'est au Mardi Live, et encore une fois, c'est fou et partenaire oui, de ça aussi. Exactement, au Mardi Live, au Gambrinus. Et aussi, pour terminer, en fait, je vous parle ce vendredi 11 octobre, au Centre culturel Pauline Julien. Il y a l'auteur-compositeur Kate Kuna qui va être du côté de Trois-Rivières. Il va nous livrer les chansons de son deuxième album, Du plaisir et des bombes. D'ailleurs, il y a 3 nominations à la disque cette année, entre autres Découverte de l'année et Meilleur album rock. Et aussi auteur-compositeur de l'année, donc quand même, c'est pas rien, c'est super cool pour lui. Pour obtenir des billets, allez au ovation.qc.ca. Il y a un rabais étudiant qui les billets sont à 16$. Donc, pour ceux qui veulent aller voir ça... Magnifique, on sait que Jean-Philippe va être là, il adore ça. Qui oui, exactement. Mais là, il est pas là, sauf qu'on entendait un extrait qui s'appelle « Tic-Tac ». Bon, on écoute ça à l'instant. « Tic-Tac » de Kate Kuna dans la chronique « Alors on sort » de Joanie Gagnon à Assemblage Requis. En Syrie, en Somalie, partout on s'aime à la folie. Vive le tic-tac, tic-tac. En Afghanistan, en Russie, en Chine, en Libye, partout on s'aime à la folie. Vive le tic-tac, tic-tac. Au Liban, au Congo, au Pakistan, au Mali, partout on s'aime à la folie. Vive le tic-tac, tic-tac. Europe, Amérique, Afrique, Asie, Océanie, partout on s'aime à la folie. Vive le tic-tac, tic-tac. Tic-tac, tic-tac, toujours plus fort. Kikuna et Tic-Tac dans la chronique Alors on sort de Joanie Gagnon. On rappelle oui. Le spectacle de Kikuna qui a lieu vendredi. Oui, exactement, ce vendredi 11 octobre au Centre culturel Pauline Julien. Allez voir ça. Et c'est fou et partenaire. Encore une fois, on va le dire à chaque fois pour du plugger. Donc, ben pas oui. Se plugger, c'est du full disclosure. C'est légalement, faut dire, quand on est partenaire avec quelque chose, sinon on a l'air de vendre des affaires puis on dit pas qu'on a reçu de l'argent en retour. Tu vois, genre, mais on aime ça quand même. C'est pour ça aussi qu'on le mentionne, bien sûr. Voilà. Donc, merci, Joanie Gagnon. Merci à vous. À la semaine prochaine, c'est jeudi à 9h pour une autre chronique. Alors, on sort. On se voit la semaine prochaine. Oui. Et vous vous voyez au spectacle de Kid Kuna. Oui, certainement. Aussi. Tu vas être malade. Non, tu vois. Peut-être. Ben, en tout cas, moi, je suis là. T'es là. Moi, non. Non. Outrage. Tu me diras c'était comment. Ah oui, c'est certainement. Ça va être très, très bon. Il nous reste une quinzaine de minutes à l'émission d'aujourd'hui. On s'en va entendre une pièce du palmarès anglophone. On n'a pas écouté beaucoup de palmarès anglophone depuis quelques temps. Donc, Battering Ram de Pac 80 right now. Sur C'est Fou 89 FM, la du campus de Trois-Rivières. Katie, Battering Ram! Assemblage Rocky. Battering Ram! Oui, oui! Maintenant, Battering Ram, de la RAM. Oui. Comme dans un ordinateur, ça coûte cher. Mm-hmm. Mais c'est plate à mentionner, puis ça fait pas une bonne chronique partout. Ça. Fait qu'à la place, parlons de gadgets complètement inutiles. Dans 5 semaines, ça devrait répondre là! Ready? Es-tu prêt pour saisir si ça ne devrait pas, on l'a? Je suis toujours prêt pour ça. Ton budget est libéré, t'as sorti ta petite bourse. Mon budget est libéré. Moi, j'essaie de faire comme une femme libérée. Je suis une bourse libérée. La vie est pas facile quand t'as autant de choses à acheter. Et, hein? Écoute la chronique. Oh, wow! Ah, le hit! Le One Hit Wonder. Oui, la station numéro 1. Oui, 90-1. Rock voisine. On commence avec la machine à Jägermeister Shot. Est-ce que t'aimes les Jägermeister? Voilà, de temps en temps. Un petit shooter, ça a jamais tué personne. Non, mais il faut que ça soit buvé froid. Froid? Ah oui? Oui. Ah! Est-ce que c'est parce que dans les bars, c'est pas froid? Ça dépend. À ce temps, ils ont toutes une machine à Jägermeister Shot. Ah! Je vais pas dire shot, mais c'est ça, c'est toi. Je sais pas. Je sais plus où tu t'en vas. Moi non plus, je sais pas où je m'en vais. C'est une machine donc qui a été créée et inventée. C'est le Jägermeister Shotmeister. C'est joli comme nom. Hein? Ça accepte des bouteilles de 750 ml ou 1 litre. Ça refroidit le liquide en dessous de zéro. Donc, ton bon point était là-dedans. C'est en dessous de zéro, ça devient assez froid pour être bu. Et ça devient un... comment t'appelles ça? Un fût. Ah, ben oui. Donc, ça va te faire un fût de Jägermeister pour te faire un shooter quand tu veux en revenant de la job, mettons. Tu peux avoir l'impression d'être dans ton bar préféré pour seulement 200$. Ça peut valoir la peine. C'est Jägermeister Shotmeister, le lien sur assemblagerequis.com. Je pense que le design n'était vraiment pas pareil de ce que je te parlais, mais ça ressemble à ça. OK. Donc, ils doivent en faire pour bar. Ils sont bien forts là-dessus, Jägermeister. Ils sont forts là-dessus. Ils sont forts. Ah, oui. Veux-tu un fort? Ah! Incroyable. Ensuite, des haut-parleurs en vitre, mon cher. C'est des bols de vitre qui vont servir de haut-parleurs. C'est les Timber Speaker. Timber! Timber! Fort! Encore, oui! Oui, fort! Fort! Oh, on aurait dû la dire dans celle d'avant. Ah, ben, tu prends du montage. C'est ça. Tu es un instant classique. Donc, c'est haut-parleurs élégants. C'est un design par Casey Lynn. Et ça ramène les haut-parleurs à leur forme la plus minimaliste. Donc, ça ressemble à une paire de bols à fruits. Mais oui, c'est vraiment une machine à son. Ouais, donc c'est ça. Ça va faire. Là, c'est super technique. Là, ça va faire vibrer la surface d'un transducer qui va envoyer des vibrations de son à travers le bol de vitre à la place d'un haut-parleur normal. Et bouger les bols de vitre sur la surface vont changer le timbre du son. Le timbre, donc, timber, speaker. Tu comprends? Donc, et ça amène encore plus au minimalisme le fait qu'il y a, ça élimine tous les boutons. Sauf un seul qui fait le courant, donc on-off et le volume. C'est comme sur les anciennes TV. Là. Ouais. Off, comme ça, clic, puis là, ça devient le volume. Avec une télécommande à fil. C'est ça. Et donc, tu peux avoir différentes grandeurs, différents matériaux avec lesquels jouer pour faire le son. Allez voir la vidéo pour comprendre un peu, là, mais c'est donc le Timber Speaker. Ensuite, l'automne est arrivé, est presque arrivé. En fait, ça commence quand l'automne? C'est arrivé, c'était le 21 septembre, c'est bien arrivé. C'est l'hiver qui arrive tard, plus tard qu'on pense, parce qu'il commence à neiger en novembre, mais l'hiver commence le 21 décembre. Voilà, c'est ce qui me mêle. Donc, la saison d'automne qui est là, et on veut pouvoir ramasser nos feuilles tout en les jetant dans la poubelle, mais c'est difficile parce qu'il faut que tu raques. Oui. Et puis ça, tu peins avec tes gants ou tes mains, tu mets ça dans le sac. Alors, c'est de la job, là. Ouais. Donc, il te faut le Rake and Temp. Ça fonctionne comme un râteau normal quand tu mets à son paramètre régulier. C'est fait en stainless steel, facilement manœuvrable pour vider votre cours de ses feuilles. Et ensuite, tu glisses le mécanisme par en bas et ça va créer un genre comment est-ce que je pourrais expliquer ça? C'est pas vraiment une pince, mais c'est fait pour ramasser les feuilles avec le râteau, finalement, si on veut. Donc, ça va te faire juste un outil pour racler. Et ramasser les feuilles. Et puis, il y a même une plateforme qui te permet de mettre le rake and temp à la verticale. Donc, tu vas pouvoir le laisser dans ton garage ou, mettons, dans la cour pendant que tu es en train de faire autre chose. Tu peux laisser ton râteau ouvert. C'est cool quand même, non? Moi, ouais, ben, je dois t'avouer que je suis pas convaincu dessus, là. Ben, je crois que le temp, je sais pas si ça veut dire comme ramasser en un seul paquet, genre vraiment comme le compacter, d'après moi. Parce que j'essaie de comprendre. Mais d'après moi, là, les râteaux à fourchette molle, là, ouais. comme ce râteau-là, d'après moi, quand tu baisses le mécanisme, ça les fait rapprocher. D'après moi. Les feuilles doivent se. C'est exactement ça. Se prendre entre les branches. Je suis en train de voir la vidéo en ce moment et c'est exactement ce que ça fait. Les feuilles prennent entre chacune des petites fourchettes. Sauf que je me dis que ça doit pas en ramasser tant que ça à la fois. Ça doit être plus gossant à la longue de faire ça. Ouais, je sais pas. On est en train de regarder la vidéo en ce moment en direct en studio. Si je te montre ici, tu vois, ça ramasse quand même pas mal de ça feuilles. Ramasse quand même les gros paquets. Et c'est qu'après ça, ça devient une plaquette et tu peux piler sur tes feuilles dans la poubelle avec la plaquette de plastique du mécanisme. Donc, c'est pas mauvais. Mais on tripe pas plus qu'il faut, là, mais ça coûte 30$. Ah, oh, ben c'est pas super. Le Rake and Temp. Ou le Collect and Compress, c'est le son slogan. Bon. Ensuite, tiens, quand t'étais jeune, t'aimais faire du coloriage. Ah, tout le temps. Maintenant, tu peux plus en faire. Non, c'est fini. De prendre des livres. C'est trop simple, t'as pas de défi. Non. C'est comme, bon, on va pas extraire des lignes, mais les lignes mesurent un pouce de large. Facile, ouais, de pas aller au-delà. Comme les peintures à numéros. Ben oui. Ça. Donc, Outside the Lines est un livre par une personne qui s'appelle Suri Hongporeta. Suri, S-O-U-R-I-S, c'est son prénom. Oui. C'est un gars, c'est une fille, je sais pas. Mais c'est Outside the Lines, donc un livre pour adultes de coloriage avec des dessins artistiquement intéressants. Ça regroupe plus de 100 artistes graphiques, artistes de rue, des gens qui font des bandes dessinées. Et chaque ligne, chaque page a donc vraiment des lignes très, très subtiles. Et vous pouvez acheter des couleurs comme vous le voulez. C'est pas de la couleur, c'est pas de la peinture à numéro, là. Non. Vous faites ce que vous voulez. C'est un cahier de coloriage. C'est ça, c'est Outside the Lines. C'est disponible pour 13$ sur assemblagerequis.com. Toujours une autre chose que t'aimais quand t'étais enfant, c'était les Lego. Oui. Et les montres pour enfants en plastique cheap. Oui. Mais maintenant, Lego va sortir des montres pour adultes en plastique pas cheap. Ils sont belles. Ils sont très, très belles pour vrai. Entre 85 et 185$. Donc, des montres de marque Lego. Si on les décrit visuellement, elles sont de couleur fluorescente. Oui, quand même, sauf la noire, qui a quand même du jaune flashy et bleu flashy dedans. Exact. Et c'est des morceaux de Lego qui sont dessinés à l'intérieur de la montre. Oui, c'est beau. Et le bracelet ressemble pas tellement à des blocs Lego. J'aurais aimé qu'il ressemble un petit peu plus à ça avec des petits points dans le milieu. Ouais, mais c'est peut-être pour le confort, d'après moi. Sûrement. Mais non, donc, c'est vraiment joli. Allez voir le lien, encore une fois, sur le site pour vous en procurer éventuellement. Maintenant, un problème qui n'existe pas vraiment, c'est de savoir quand boire son eau. Tu sais, on doit boire beaucoup d'eau. On a déjà dit que c'était pas littéralement 8 verres d'eau par jour. Oui, c'est vrai. On avait parlé dans une autre chronique. Mais qu'il fallait boire quand on commence à avoir soif. Aussitôt que tu as soif, bois parce que ça va aider ton corps. Ici, c'est la bouteille d'eau Bluefit Connected Water Bottle. Donc, c'est une bouteille littéralement qui fonctionne par Bluetooth. Ça le dit dans le nom, Bluefit. Et ça va vous dire quand boire. Okay? Quand tu es trop distrait, il y a un sensor dans le bouchon qui va savoir combien d'eau tu as bu et qui va t'informer de tes habitudes d'abreuvation. Ouais. Et si c'est le moment de prendre de l'eau basée sur ton âge, ton masculin, féminin et d'autres détails, des taux, la lumière à l'extérieur de la bouteille va flasher, va s'éteindre, je crois, en tout cas, peu importe, et ça va t'envoyer une notification, un avertissement sur ton téléphone cellulaire. Bois de l'eau, JP. Bois. 49$ sur une campagne Indiegogo, donc c'est pas encore un produit qu'on peut se procurer. Maintenant, ton iPhone, tu le trouves plate parce qu'il y a un skin ou un case vraiment ennuyant de plastique. Le mien est minimaliste, là, t'as même pas l'impression qu'il y a un case dessus. Mais moi, j'aime ça comme ça. Moi aussi, j'aime beaucoup mieux ça comme ça. Mais si tu voulais avoir des échalotes, mettons, sur ton iPhone, c'est... mettons, c'est un case transparent et dessus, t'as des asperges. C'est pas des asperges, c'est des échalotes, hein? C'est des échalotes. Ouais, ça, c'est des échalotes. J'aime ça avec mes légumes. Il y a aussi une banane disponible. Pour Steph. Oui, et là, c'est pas comme il y a deux semaines ou peu importe, quand on a parlé d'une banane case. Non. Où ton iPhone était intégré dans une banane. Non. La banane est ajoutée à l'extérieur de ton case. Donc, t'as un case transparent et t'as comme une banane de plastique attachée après. Mais je comprends pas vraiment à quoi ça sert. À tenir ton téléphone. Y a-tu quoi qui se tient mieux dans la vie qu'une banane, man? Ben, à part un... Ouais, ben, à part un... Je sais pas comment t'appelles ça. Je peux... Non. Ben, fais-moi des signes. Un pénis. Ah. Ah, il était long! Ah, je l'ai aimé, celle-là! Oui. Oh, Colin, 9h28, man! 9h28, malaise incroyable! Oui, mais c'est ça, je t'invite à descendre un bout, parce que oui, OK, peut-être la banane t'a fait tripper. Bacon! Bacon œuf! Bacon œuf! Costaud sur mon iPhone, oui! Mais c'est ça, tu vois, je... Ouais. C'est un costaud, c'est banane... pas banane, c'est bacon. Bacon œuf. Il manquait les patates, puis Jean-Guy pour me le servir. Ah oui! À cafétéria. Ah oui! Ah, Jean-Guy vient nous sauver. Donc, c'est des excellents cases que vous pouvez vous procurer. Ça vient tout droit du Japon. C'est la série iMeshi de case pour l'iPhone 5. Génial. Ensuite de ça, une voiture qui ralentit quand tu ne te concentres pas. Ça a l'air bizarre dit comme ça et je dois vous avouer que j'ai pas nécessairement lu l'article, mais c'est la Attention Powered Car par Emotive et la Royal Automobile Club de l'ouest de l'Australie qui ont développé cette Attention Powered Car. Ça vient avec un casque neuro, un casque que tu mets sur la tête, bref, par Emotive. Et le conducteur est supposé le porter en tout temps. Et le truc que tu as sur la tête va mesurer l'activité dans ton cerveau et va déterminer le focus que tu as pendant que tu conduis. Et donc, ça fonctionne avec un logiciel qui est installé dans la voiture. Et quand le focus du conducteur descend, la voiture va ralentir à 9000 à l'heure pour alerter le conducteur et lui rappeler de faire attention à ce qu'il fait. Et la voiture ne va fonctionner à pleine capacité que lorsque le conducteur va donner son attention complète à la conduite. Wow! Ben, tu sais, imagine là, quelqu'un qui nous écoute ce matin. Tu sais, puis mettons, il y a un petit bout de la chronique qui capote. Là. Ouais. Mettons le bacon. Là, mettons un malaise sur un pénis, mettons. Là. Mettons là, qu'on fait un malaise sur un pénis. Puis là, il fait comme « Waouh, c'est drôle! » Il peut plus avancer, il peut plus aller au bureau. Non. Les gens ne pourront plus nous écouter le matin. Mais je me demande s'ils focus sur la radio, donc ils focus sur quelque chose. Est-ce que l'appareil est capable de détecter si tu focus sur la route ou sur la radio? Ah, bon point, hein? Bon point, mais tu sais, pas. Oui, mais lui, dans l'annonce, parce que j'écoutais la petite vidéo promo, qui explique, mais il est sur son cellulaire. C'est ça qui fait ralentir l'auto, mais il focus quand même sur son cellulaire. Donc la radio, c'est comme un cellulaire? Ben, j'imagine. J'avoue. Je sais pas. Je suis perplexe. J'avoue. Je sais pas. Il va falloir que ça soit perfectionné sûrement. Je pense que oui. Ben, ça va être tout. Bon, ça va être tout pour ça. Ça devrait pas pour aujourd'hui parce que l'émission se termine. On manque de temps. C'est comme ça. Point, point, point. Triste, hein? Triste. On a eu des bons gadgets. Hein? Triste, mais on va se reprendre, Mathieu. Est-ce qu'on achète un banana case à Steph pour. Elle n'a pas d'iPhone. Ah, elle n'a pas d'iPhone. Elle a un iPod Touch. Oui, mais on pourrait y acheter ça pour sa fête. Il va falloir d'autres idées cadeaux. Mettons. Mettons pour sa fête, ouais. Un iPhone? Ouais. On y achète un iPhone pour sa fête? Oui. Et quand on est non viso, là? On est. Oui, alors on prend les dons. 8 à 9. On libère les lignes. Oh oui. Donc c'est tout pour cette édition d'Assemblage requis. On se retrouve lundi entre 6h30 et 9h30, toujours en direct à partir de 7h30. On se retrouve mardi. On se retrouve mardi entre 6h30 et 9h30. C'est vrai. On n'a pas d'émission lundi parce que c'est l'action de grâce. Nous ferons la grâce matinée. Ben, il va sûrement y avoir d'autres choses. On va se prévoir un petit quelque chose pour la case horaire parce que je trouve ça plate quand on diffuse rien. Ben oui, puis en plus, c'est pas parce qu'on est en vacances que vous n'avez pas le droit, vous, de vous lever à la même heure et pour nous écouter. Et voilà, c'est pas tellement plus d'effort de juste programmer quelque chose non plus. Là. Forçons-nous. Mardi à l'émission, Charles-Antoine Rioux qui va venir nous donner quelques trucs et astuces du Club Plein Air Écutaire. Anne-Julie Durocher va partager ses sentiments ou ses châtiments dans l'index d'Anne-Julie. Mathieu Roy aura la liste des dernières activités de l'RG Écutaire et on parlera d'art et spectacle avec Alexandra Carignan et le temps d'une culture. C'est mardi à partir de 7h30 en direct, mais 6h30 sinon. Retrouvez-nous là. Restez sur nos ondes assez fous toute la journée parce qu'il y a plein de bonnes émissions. On commence bien sûr à 11h, à 10h, avec la première de la belle, les belles et les bêtes. Colin, faut que je m'habitue. Les belles et les bêtes. C'est correct, Mathieu, ça va venir. Ça commence à 10h. Ensuite, à 11h, c'est Dîner de con avec Danny Janvier. Je serai de retour en direct à 15h pour une nouvelle édition des Palmarès et Fous en compagnie de Stéphanie Paradis. Oui, ça va être bon. J'ai hâte de voir ça, ces nouvelles entrées-là, même si j'ai la feuille juste devant moi, mais j'ai hâte d'écouter ça. Et qu'on les a entendues. Très, très bon. Oui, 4 nouvelles entrées dans les Palmarès cette semaine. À 19h, c'est 13e étage, émission d'intro de jazz éclectique. À 22h, soyez là pour M ta nuit, l'émission de rock planant. Manquez pas les meilleurs moments, les vendredis matin à 7h et les samedis à midi. Sif.ca pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balados de diffusion. On est également sur Facebook avec C'est fou et Assemblage Requis. Et on tweet aussi. Ah, oh, on fait tout. On fait jamais de tweet, mais on cross-post les trucs de Facebook. Ça arrive de temps en temps. C'est ça. Quand je suis motivé. Ouais. Hey, bonne journée. Bye Mathieu, à mardi! Oui! Qu'est-ce que je vais faire 4 jours sans te voir? Oh non! Comme la fois où je me suis pas présenté. C'est ça. Ceci est un message de Sifu Extermination au service de la radio étudiante de l'UQTR et des oreilles de l'humanité.